je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a développé. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ludologie, le podcast qui parle du jeu sous toutes ses formes. On se retrouve comme il y a 15 jours avec Yann Chauvière et Dorian Chandelier d'Unes Blog qui produisent des émissions qui sont diffusées notamment sur jeuxvideo.com et puis qu'on peut retrouver aussi sur YouTube. Alors on y parle de choses variées mais quand même principalement de jeux vidéo. Et aujourd'hui on va s'attarder sur le jeu vidéo nécessairement mais globalement sur les autres formes de jeu et sur une thématique qui nous paraissait intéressant, qu'il nous paraissait intéressant de défricher, on va dire. C'est un peu spécial, effectivement. Et en l'occurrence, une question, faut-il être bon en maths pour être un bon joueur ? Ça pose plein de problèmes comme question, nécessairement. Alors Adrien, je vais te laisser commencer à soulever un petit peu tout ça. Alors oui, comment on est venu à cette interrogation ? Parce que quand même, jeu mathématiques, c'est quand même un peu, ça paraît un peu obscur, mais en fait non. Comme vous le savez sans doute, les mathématiques quand même régissent nos vies. Tout peut être codé, tout est donné. Et donc en fait, le jeu peut-être parfois se résume à gérer ces données, à peut-être gérer des flux, gérer des probabilités, et c'est notamment le cas dans les jeux de cartes, et je vais m'adresser à Yann Chauvière, alias Cœur de Vandale, pour certaines vidéos, qui est justement un joueur de cartes sur Duel of Champions, si je dis pas de bêtises. Et voilà, toi, justement, quelle est ton approche, justement, du jeu ? Il est mathématique ou joueur ? Et est-ce qu'il est croisé, aussi ? Alors, ce que tu entends par être joueur, c'est s'amuser ? Pourquoi pas ? D'accord. C'est une acceptation. Parce que je ferai un petit aparté, justement, comme tu le mentionnais, sur l'évolution du sujet. Parce que la première fois, c'était sur les jeux combinatoires, puis sur les jeux calculatoires, et enfin cette formule très bonne sur « Faut-il être bon en maths pour être un bon joueur ?» qui est une formule en plus un peu polémique, puisqu'il y a un pendant politique qu'on abordera peut-être assez peu, parce que là, c'est quand même, je pense, on va quand même beaucoup se focaliser sur le calcul, la stratégie et autres. Parce que c'est vrai que la formule être un bon joueur, ça voudrait dire déjà qu'est-ce que jouer. Mais là, vu le contexte et vu le corpus de jeu qu'on va étudier, ça va être en gros un bon joueur, jouer de manière optimale, donc gagner. On va dire que là, prendre du plaisir, pourquoi pas, mais là, quand même l'essentiel, ça va être d'essayer donc de gagner, de vaincre son adversaire, ou du moins de faire le maximum. Donc moi, quel est mon profil ? Moi, j'ai un profil assez varié, je joue à des tas de jeux. Évidemment, je joue pour m'amuser. Mais je fais partie de ces gens qui ont la particularité de tirer beaucoup de plaisir du fait de bien jouer. Autant des situations de jeu, des histoires que je peux trouver absurdes, plaisantes, surprenantes, l'aléatoire, tout ça, je vais trouver ça fun. Mais je tire énormément de plaisir personnel à bien appliquer correctement des règles. Jouer de manière optimale, c'est quelque chose qui me fait jubiler. Donc pour Duel of Champions, comme pour les échecs, comme pour Magic, comme pour tous les jeux de stratégie, et c'est pour ça que j'aime ce type de jeu, j'aime bien en fait les mises en abîme de raisonnement et essayer de raisonner de manière correcte. Particulièrement en tour par tour, parce que justement, contrairement au temps réel, on pourrait noter une sorte de tension entre deux types de jeux, deux pôles vers lesquels vont les jeux vidéo. Il y a ce qu'on appelle justement, c'est notamment le cas dans les jeux vidéo, ça va être l'impératif d'action, le temps réel. Et donc du coup, effectivement, même si on a des RTS, des real-time strategy, donc des jeux de stratégie en temps réel, il faut raisonner bien, mais avec la contrainte du temps. Donc du coup, c'est une sorte de compromis entre le pur jeu dans lequel il n'y aura pas besoin de réfléchir, et réfléchir avec une contrainte de temps. Donc on ne peut pas faire l'output optimal, on ne peut pas traiter tous les inputs, on ne peut pas traiter toutes les données. On va essayer d'en traiter un certain nombre pour sortir une stratégie qui va être meilleure que l'adversaire, parce que du coup, on a peu de temps pour réfléchir. Mais moi, je préfère les jeux un petit peu sur le modèle des échecs, c'est-à-dire en tour par tour, donc on fait pause à chaque fois qu'on joue, et on se focalise strictement sur le raisonnement. Moi, dans mes pratiques de jeu, je suis très polarisé, c'est soit je veux de la pure exécution, l'ivresse, l'arcade, le jeu de plateforme, ou alors de la pure réflexion, et dans ce cas-là, je n'aime que le tour par tour. C'est-à-dire que, curieusement, je n'aime pas du tout les RTS, c'est des jeux intéressants à analyser, mais je déteste ça, je n'aime pas les jeux de combat, les jeux de versus fighting, en sachant que je suis hyper impliqué dans 3D Combo, ça peut paraître surprenant. Je soutiens tous les projets, mais je ne suis pas joueur en fait, de ce type de jeu. Alors pour nos auditeurs, je vais préciser quand même que 3 Hit Combo est l'association qui organise le Stunfest et qui s'est bâtie aussi beaucoup sur des tournois de versus fighting, du Street Fighter et autres jeux dans ce goût-là. Donc c'est pour ça que tu mentionnais 3 Hit. Voilà. Et donc ces jeux m'intéressent, mais pour ce qui est, on va dire, de ce qui me fait vibrer, ça va être vraiment raisonner. Prendre le temps de raisonner, et ce que j'appelle, il y a une dimension même esthétique au raisonnement, c'est éprouver le raisonnement. Éprouver de la difficulté, éprouver aussi la satisfaction qu'on peut avoir à trouver une bonne réponse. Et ouais, l'ivresse de l'abîme, en fait, de l'arbre des possibles. Cette idée, on essaie de calculer à n degrés, en fait, tout ce qu'il est possible de traiter, et d'essayer d'anticiper sur les réactions de l'adversaire, en affectant éventuellement des probabilités. Et on essaye du coup de se dire, voilà, je vais faire ça, parce que je pense que c'est l'action optimale. Et ça, c'est quelque chose, c'est une ivresse que j'ai retrouvée dans Duel of Champions, qui est du coup qu'un jeu de cartes de stratégie évolutif. J'ai envie de dire malheureusement un jeu de cartes à collectionner, parce que pour moi, en fait, c'est une plaie, en fait, ce business model. Même si je suis fan de Magic, en fait, pour moi, c'est contradictoire, en fait. Et il y avait David Sierling, je crois, qui a écrit un article là-dessus également. C'est justement comme quoi c'est deux concepts qui fonctionnent bien, c'est très lucratif, mais c'est assez mauvais pour des raisons qu'on comprend bien. C'est-à-dire que, pour faire très simple, pour ceux qui ne connaîtraient pas les jeux de cartes, donc une grosse partie des mécaniques de jeu sont tirées dans les années 90 du jeu de Garfield qui s'appelle Magic l'Assemblée. Il y a des factions, il y a des cartes, on joue chacun notre tour, il y a beaucoup de mécaniques de jeu. Alors là, on comprend vraiment bien le jeu comme ensemble formel de règles. Là, il y en a un paquet à apprendre. Donc, faut beaucoup pratiquer, apprendre les cartes, mémoriser pour savoir ce que font les cartes. Mais les cartes, on ne les a pas toutes quand on débute le jeu. Contrairement à d'autres formes de jeu, je l'achète, j'ai le jeu. Là, c'est on me donne quelques cartes et ensuite, moyennant de l'argent, je vais racheter perpétuellement des cartes aléatoires dans des boosters et petit à petit, je compléterai ma collection, ce qui me permettra de jouer. Ce sera un peu comme un jeu de tarot où il faudrait payer un supplément pour avoir une chance d'avoir un 21 ou une excuse, par exemple. C'est ça. C'est en gros, il y a toute une phase de jeu pendant laquelle on doit acquérir les cartes, soit en farmant, soit en sortant la carte bancaire. Et c'est quelque chose que j'aime pas, parce qu'autant, moi-même, ces jeux-là, qui font pas forcément d'efforts pour... c'est eye candy, l'expression que me disait Dorian, pour que ce soit... qu'on ait envie d'y jouer, c'est des fois très austère, mais c'est aussi des profils de joueurs très analytiques et qui aiment bien le tour par tour, ce qui est quand même pas très en vogue, hein, soyons clairs, hein, c'est pas dans les standards du spectacle, le tour par tour, ça fonctionne pas en fait à l'écran tout simplement, et pour reciter Guy Debord, en fait, il y a des choses qui fonctionnent bien en fait, tout ce qui est spectaculaire, le temps réel, ça marche, on voit quelqu'un qui réfléchit, ça se passe dans la tête, c'est très difficile à transcrire et à faire quelque chose de captivant pour le spectateur. Alors, je sans vouloir du tout te contredire, il se trouve que la belote et le tarot en jeu analogique, on va dire, restent quand même des jeux pas mal pratiqués. Il me semble que Heroes of Might and Magic a son petit succès comme civilisation. Le tour par tour, ça reste quand même quelque chose d'assez pratiqué finalement. Ça reste pratiqué. Alors déjà, je parlais des pratiques vidéoludiques. Il est vrai que pour des raisons encore d'effet de médium, on se retrouve pour les jeux de société, on a quasiment que du tour par tour. Il y a quelques en fait, jeux qui sont en temps réel, en fait les party games où il y a des jeux de réflexe, mais quand même globalement, tous les jeux, notamment les jeux de stratégie, c'est tous des jeux tour par tour, mais c'est parce qu'on n'a pas le choix quand on fait un jeu de société, très souvent. D'ailleurs, on précisera que, comme tu le disais, Duel of Champions est un héritier direct de Magic. On est vraiment dans du jeu de société qu'on a placé sur le médium écran, finalement, on retrouve les mêmes mécaniques. Pas pour rien que c'est un jeu de cartes, on retrouve des mécaniques qu'on pourrait parfaitement avoir avec des cartes physiques. Alors oui et non, oui parce qu'effectivement c'est comme font, maintenant ça se fait beaucoup pour les jeux de société, sortir en fait l'équivalent du jeu de société en version numérique. Parce que ça permet aussi de jouer avec des amis qui sont loin, on connaît les vertus du numérique, je vais pas en faire la liste. Mais ça n'est pas que ça, parce qu'en fait on peut avoir l'illusion justement que c'est une sorte de calque et que ça n'induit pas des pratiques différentes ou des mécanismes de game design, enfin des mécaniques différentes. Faites passer du carton au numérique, il y a un changement très fort qui s'opère. C'est qu'il y a des jeux qui vont bien fonctionner en carton, qui vont mal fonctionner dans leur format numérique. Il y a d'autres jeux qui vont mieux fonctionner en numérique qu'en format carton. Typiquement Magic, c'est quasiment le meilleur jeu, en fait, hormis le côté collection que j'exècre. Moi, je photocopie mes cartes. J'étais un hacker dans l'âme, j'ai toujours photocopié mes cartes pour jouer avec mes amis. Ça m'interdisait de jouer en championnat, mais dans l'esprit, c'est ça. Moi, je suis un joueur, pas un collectionneur. Donc en gros, Magic, c'est vraiment un archétype, c'est un excellent jeu. Qui fonctionne très bien autour d'une table, qui fonctionne très mal au format numérique. Pourquoi ? Parce que l'architecture des tours de Magic est extrêmement complexe. Et à coder, c'est très compliqué. Et même quand ils y arrivent, c'est hyper fastidieux pour le joueur. Parce qu'en gros, ce qui se passe dans Magic, c'est qu'il y a tout un système de piles ou de priorités. Je joue une carte et avant qu'elle soit résolue, je me dis ben, en réponse à cette carte, je vais jouer ça tant que j'ai la priorité. Et quand je cède la priorité et avant de résoudre les cartes que j'ai jouées, l'autre peut également jouer et en réponse, je peux jouer. Mais ça veut dire quoi hein? Ben, autour d'une table, ça se fait très bien. Je joue ça. Attends, je voulais faire un contre-sort. Attends, je voulais faire ça. En fait, on n'est jamais interrompu. C'est juste que l'autre nous fait une interjection et nous dit ah, attends, avant que tu fasses ça, je fais ça. Et ça marche bien autour d'une table. Ce qu'on appelle une pause stratégique, en fait. C'est ça. Mais ça fonctionne parfaitement parce qu'on dit constamment, voire même on peut revenir dans le temps dire attends, avant que t'aies fait ton sort, en fait, moi je vais plutôt jouer ça et on s'arrange, c'est un peu souple parce qu'il y a l'impératif de quand même de jouer un petit peu vite pour dynamiser la partie et on comprend bien que c'est du tour par tour donc on essaie d'être rigoureux. Et qu'est-ce qui se passe au format numérique? Et bien c'est que le jeu, donc le code, nous dit en permanence est-ce que vous passez la priorité? Est-ce que vous avez une action à faire? Est-ce que vous passez la priorité? Et un tour de Magic, c'est... Alors après, ça a été découpé plein de fois, mais entre la phase, le dégagement, l'entretien, phase principale, phase d'attaque, phase principale, phase de fin, qui est elle-même découpée en sous-phases, il faut faire 1000 fois clic sur « je ne... » Dire qu'on ne joue pas de cartes. Alors que ça, il n'y a pas besoin de le dire, qu'on ne joue pas de cartes autour d'une table, on ne dit rien. Et en fait, c'est très fastidieux. Et Duel of Champions, c'est un jeu qui, curieusement, n'existe pas au format papier, à l'exception de la Chine, ils en ont sorti une version papier. Et c'est un jeu qui n'aurait, pour un certain nombre de mécanismes, pas pu exister à l'époque, à l'époque de Magic. Pourquoi ? Et là, on va parler de game design, en fait, et d'effet de médium. Le carton, en fait, a des propriétés que n'a pas le numérique. Ou plutôt, le numérique a une souplesse que n'a pas le carton. Et il y a un exemple, alors je ne sais pas quelle est votre connaissance de Magic, vous avez un petit peu adolescent. Je t'avoue que moi j'ai plongé très vite dans le jeu de rôle, du coup je suis pas mal passé à côté de Magic. Je vais essayer d'être pas trop non plus, en fait je pourrais en dire des tartines, je vais être synthétique pour que vous compreniez l'idée. On va dire que dans la plupart de ces jeux de cartes, comme dans les jeux de figurines, l'essentiel en fait des cartes, ce sont des créatures. Des créatures qui sont donc vos armées, qui vont vous défendre contre les créatures adverses et qui vont attaquer l'ennemi pour lui enlever des points de vie. Souvent, alors dans Duel of Champions c'est pas le cas, mais je vais simplifier, les créatures ont deux statistiques, une valeur d'attaque, une valeur en gros c'est leur point de vie. D'accord ? Donc une créature qui est par exemple 4-4, elle tape à 4 et elle a 4 points de vie. Ce qui se passe, c'est qu'à la fin de tous les tours de Magic, les créatures récupèrent leurs points de vie. En gros, pour qu'une créature soit morte, soit on utilise un sort qui détruit une créature, soit les dégâts, le cumul des dégâts du tour doit être, le cumul doit être létal. Ça veut dire quoi ? Bah, si la créature a pris 4 dégâts et qu'elle a 4 points de vie, elle est morte, elle va au cimetière. Si elle a pris 1 plus 1 plus 2, elle est morte. Si elle a pris 1 plus 1 plus 1, il lui reste un point de vie, s'il se passe rien à la fin du tour, elle a 4 points de vie. Mais pourquoi Garfield a fait ce choix ? C'est simplement que ça aurait été horriblement fastidieux de mettre des dés de points de vue sur les créatures. Ça aurait été rendre le jeu beaucoup trop lourd. Il voulait que ce soit un jeu qu'on puisse se trimballer dans son cartable. Il y avait vraiment une intention de game design, plus une problématique économique, fallait que ce soit une problématique de lieu, il faut que ce soit simple à jouer, partout on sort le deck, faut pas sortir 1000 dés. Mais au numérique, c'est pas compliqué en fait d'avoir la mémoire lors qu'il fait pour nous. Bah, Duel of Champions, les créatures ont plus de points de vie. Et quand elles le perdent, et même 3 tours après, si elle a perdu 2 points de vie au tour 1, si elle avait 6 points de vie au départ, elle a 4 points de vie. 10 tours après, elle a 4 points de vie si on n'y a pas touché. Il y a un phénomène d'attrition qu'on retrouve aussi, si je ne dis pas de bêtises, sur un jeu comme Hearthstone, qu'on ne peut pas avoir sur un jeu de cartes où on est forcément dans un mode un peu plus binaire. À la fin du tour, elle est vivante ou... Enfin, la créature est vivante ou morte, et pas seulement... Elle ne peut pas être blessée, quoi. Voilà. Il y a aussi des mécaniques de jeu qui n'étaient pas imaginables nécessairement au format carton, mais pour les mêmes limites, justement, on retombe là-dessus. Je sais que dans Hearthstone, je ne crois pas que ce soit le cas dans Duel of Champions, il y a des cartes qui ciblent des cartes adversaires de manière aléatoire. Quand ton adversaire a 2 cartes, en cibler une aléatoirement, on est capable de faire ça autour d'une table, on fait pile ou face, on dit pile c'est telle carte, face c'est telle carte. Quand l'autre adversaire a 12 créatures, c'est déjà beaucoup plus compliqué, tout le monde n'a pas un D12, tu vas pas te balader qu'une batterie de dés comme tu vas pas te balader avec des jetons pour faire les points de vie à chaque fois que tu vas faire une partie de jeu de cartes. Ça, c'est un truc que le jeu vidéo peut faire efficacement, parce que c'est la machine qui le calcule, c'est pas les joueurs, que le jeu de plateau ne peut pas faire. C'est aussi, du coup, dans votre problématique, quelque chose qui est important, l'idée que l'ordinateur calcule à ta place quand tu joues au jeu vidéo. Oui, effectivement, on en revient à un débat qu'on a souvent avec Manuel, où en fait, le jeu, je vais pas dire vidéo, mais plutôt le jeu numérique, en fait, où la machine est l'arbitre, c'est ça en fait, sur l'équilibrage. Et en fait, quand on analyse vraiment le game design, c'est très frappant dans le numérique, en fait, on est à la bourse. C'est l'histoire de flux, de plus, de moins, en fait, c'est là. Manu, tu voulais rajouter quelque chose, je te vois. Alors, oui, parce que. Ma question, de façon plus générale, on conçoit bien qu'effectivement, il y a des différences mécaniques induites par le médium. mais l'esprit global est quand même assez proche dans les deux cas. Extrêmement proche. Tout à fait. Ça, sur ce point-là, c'est tout à fait juste. On retrouve les mêmes émotions, les mêmes raisonnements. Et du coup, pour revenir, répondre à ta question et revenir à la question initiale du « faut-il être bon en maths pour être un bon joueur, du moins gagner ?» Alors les maths, c'est un peu trop précis. Je parlerais d'avoir des compétences soit en maths, soit en logique, ou des capacités en raisonnement. Parce que les maths, c'est qu'un cas particulier. À proprement parler, la logique, c'est pas inclus dans les maths, mais c'est dans les formes... Ouais, faut avoir des capacités, effectivement, de raisonnement, de réflexion. Alors ça peut être mathématique, en ce sens que il va falloir faire des probabilités, des calculs, des additions parfois. Alors surtout sur le temps réel, par exemple, faire des calculs, du calcul mental, tout le monde ne sait pas en faire. Ça peut être faire des probas, etc., etc. Calculer du risk-reward, donc c'est-à-dire voir un peu ce que ça coûte, ce que ça rapporte, et faire des estimations moyennes, etc. Et effectivement, et particulièrement dans les jeux de cartes, ça va nous permettre de gagner plus souvent. La preuve en est que même si ce sont des jeux qui, ça c'est lié à leur core design, il y a une part d'aléatoire du fait qu'on a souvent un certain nombre de cartes qui est entre 50 et 60 et on en tire toujours 7 et on tire une carte par tour. Effectivement, des fois on tirera des bonnes cartes, des fois on tirera des mauvaises cartes, donc on pourrait se dire c'est un jeu de chance. Effectivement, il y a une dimension un petit peu où il va y avoir un petit peu d'aléatoire, mais ce qu'on regarde quand on regarde quand on a du big data, on regarde un petit peu les données de toutes les parties faites, on s'aperçoit que c'est toujours les mêmes joueurs qui gagnent. Bah, des fois ils perdent évidemment, c'est juste qu'un... par exemple récemment je m'étais reconnecté au jeu, il se trouve que le jeu est en stand-by en ce moment et la plupart des gros joueurs jouaient pas, j'ai joué un petit peu, j'avais 90% de victoire contre n'importe qui en jouant de manière... j'avais pas l'impression de bien jouer en fait, c'est juste que les mecs en face prenaient des mauvaises décisions. C'est-à-dire qu'ils jouaient pas de manière optimale, alors certains jouaient simplement pour s'amuser ou certains jouaient simplement par méconnaissance de cartes ou de mécanismes, et donc ils jouaient à chaque fois en ne se projetant pas suffisamment sur les conséquences, sur les différentes situations futures du jeu. Et je me pose une question vis-à-vis d'une des conditions qui fait le jeu, c'est l'égalité des chances de victoire, en tout cas pour certains c'est une condition du jeu. Est-ce que justement dans les jeux de stratégie comme ça, on est encore dans le jeu vraiment ? Puisqu'il n'y a plus cette égalité de chances, puisque bah, voilà, certains ont une capacité de calcul, de raisonnement différente. Bah. Oui, non, parce que ça dépend, parce qu'encore une fois, pour s'amuser, on est tous égaux devant l'amusement, mais quand il s'agit de gagner, c'est déjà qu'une manière particulière de jouer. On a tendance à oublier que c'est qu'une manière de jouer, mais c'est une manière intéressante, la dimension un petit peu compétitive dans le cadre d'opposition, mais dans le cadre du contrat ludique. Hein, en dehors de ce contrat, je trouve ça vraiment, j'exècre ça, mais dans le cadre du jeu, je trouve ça intéressant. Mais ça n'est qu'une manière de jouer. Et effectivement, c'est à partir du moment où on veut déterminer un gagnant, si le jeu est suffisamment intéressant, il y a des gens qui vont être plus à l'aise avec les prérequis par rapport à ce jeu. Donc pour les capacités de raisonnement, éventuellement la mémoire, la dextérité pour certains jeux sportifs. Donc ça, mais effectivement, ça, sans même parler que certains auraient des qualités naturelles, c'est juste que on aura tous travaillé de par notre exercice, les jeux, les métiers, etc., les formations qu'on a pu avoir, on va avoir des qualités parce qu'on les a forgées avec le temps, et donc on n'est pas à égalité. Mais à partir du moment où on essaye de déterminer un gagnant, effectivement, il y a peut-être un qui a plus de chance parce qu'il a simplement il est plus habitué à ce type de jeu, à ce type de mécanisme, et il va faire moins d'erreurs pour reparler des jeux dont nous parlons. Dorian ? Pour redire exactement la même chose avec un vocabulaire un peu différent, c'est une chose dont Franck Lepage parle en disant que l'énoncé même égalité des chances est en soi un oxymore. Soit les gens sont égaux, et à ce moment-là ils sont égaux, soit les gens sont jugés en fonction de la chance. Donc à ce moment-là, c'est il y en a qui ont plus de chance que d'autres. Et en fait, c'est ce qu'il dit, l'égalité des chances, c'est un peu de dire que tu sois un lièvre ou une tortue, tu partiras du même point de départ. Et donc c'est pour ça qu'il y a une... L'égalité des chances, c'est un peu aussi une structure mythique. Et c'est vrai que dans le jeu, tu peux... Sauf à impliquer des contraintes très fortes, c'est dur de se dire que les joueurs partent égaux. Parce qu'il y a forcément certains qui connaissent déjà les règles, d'autres qui découvrent. Déjà, tu crées une inégalité. Là où il peut y avoir une inégalité, comme tu le soulignais, c'est que ce sont des jeux à collectionner, que du coup, on ne part pas avec le même jeu dans les mains. C'est pour ça, en fait, qu'il y a un vrai problème, comme le souligne, j'espère, il me semble que c'est David Sirling qui a parlé de ça, mais en tout cas, moi, je suis complètement d'accord avec ça, c'est que ça, certes, on comprend que ce soit lucratif, mais ça se marie mal, parce que dans ce type de jeu, typiquement, je préférerais un business model, alors ça pourrait être un free-to-play de la cosmétique, ce que je conçois tout à fait, en fait, ou alors simplement, tu achètes ton jeu, un modèle hyper classique, moi, je sais pas, 20 euros, 30 euros, peu importe, et à chaque fois qu'une extension sort, comme un peu un DLC, 10 euros, on a toutes les cartes, moi, je serais vraiment pour ce type de business model. Si un jour, je fais un jeu de cartes, ça fait partie des jeux que je souhaite faire... quand j'aurai 45 ans, je n'ai aucune idée, mais je le ferai, ce sera ce business model. Je serai pauvre, mais ce sera un putain de jeu. Non, mais c'est-à-dire qu'effectivement, y a une inégalité fondamentale quand on commence, parce que y a des gens qui vont pouvoir mettre de l'argent, mais d'une certaine manière, certains n'ont pas le temps. Donc je conçois tout à fait aussi qu'on mette un peu d'argent, parce que si par exemple on a un travail ou une activité très prenante à côté, moi je serais le premier à mettre typiquement de l'argent dans ce type de jeu. Pourquoi ? Pas parce que j'ai envie d'avoir un avantage et de gagner sur les autres, parce qu'en fait il est faux cet avantage, parce que très vite, au bout d'un moment, de par le fait qu'on a des meilleures cartes, on va vite arriver en haut, et en haut, on va avoir une compétition beaucoup plus saine parce que tout le monde a les cartes. Et donc du coup, c'est le niveau qui va faire la différence. Et en fait, c'est l'essentiel des joueurs. C'est juste que quand tu commences, je déteste perdre parce que j'ai pas les bonnes cartes. Je déteste ne pas pouvoir construire les jeux que je veux construire. Moi, je suis un deck builder, c'est-à-dire j'aime aussi les jeux de gestion et tout ça. J'aime bien contempler mes cartes en me disant, tiens, je vais mettre celle-là avec celle-là, je vais tester des stratégies. Me restreindre dans ce type de jeu en me disant, ah, je suis que niveau 3, j'ai pas toutes les cartes. Moi, je suis à deux doigts d'arrêter le jeu à chaque fois. J'exècre ce modèle et ça me fait des situations, je prends aucun plaisir. Donc très rapidement, je me dis, bon bah le jeu, il était gratuit, je l'aurais acheté 60€, je mets 60€ dans le jeu directement, j'achète des cartes, je monte, et ensuite, là, je commence à prendre du plaisir. Et qu'en est-il des systèmes de, je sais pas si le terme est bon, de pool par niveau? Justement, toi qui es habitué peut-être à ce genre de jeu, on le voit par exemple, c'est dans StarCraft, tu crois, où les voilà, il y a des sortes de pools justement par niveau, et donc l'ordinateur calcule le niveau de chacun et après assure des matchs équilibrés. Bah, c'est très intéressant. L'équilibre, par-delà le fait, on y reviendra, que on pourrait faire un distinguo entre les jeux symétriques et asymétriques, mais on en parlera plus tard. Mais ce que là, on parle surtout de jeux asymétriques pour le coup, que ce soit dans Duel of Champions ou dans StarCraft 2. C'est que effectivement ranger les gens par niveau, c'est très important. C'est pas qu'une manière mercantile en fait de garder le joueur, pas du tout. En fait, quand ceux qui veulent prendre plaisir à jouer peuvent faire la campagne, jouer avec des potes, c'est pas le problème. Mais à partir du moment où on se dit ce jeu a de la profondeur et on peut jouer de manière optimale, essayer de tester des contre-stratégies optimales et de finalement jouer en essayant de bien appliquer les règles, on a toujours envie de jouer avec quelqu'un qui est sensiblement de notre niveau. Sensiblement, ça peut vouloir dire un peu moins bon, un peu moins fort. C'est là qu'on va prendre le plus de plaisir. Si on se fait rouler dessus par un mec qu'on n'a aucune possibilité de battre, ça peut être très frustrant, comme moi je l'ai déjà vu dans Duel of Champions. Si je me retrouve avec vraiment des newbies, ben je perds mon temps, ça m'ennuie. Gagner, c'est pas une fin en soi. L'important, c'est de prendre. Moi, je prends du plaisir à bien jouer. Et le fait de gagner est une conséquence du fait de bien jouer. Donc on est content de battre un bon joueur. Un mec qui n'a pas les cartes ou qui joue n'importe comment, en fait. Éventuellement, on peut avoir un fou rire quand on voit quelqu'un prendre une décision absurde, mais on n'a pas envie de s'impliquer, on est là, mince, c'est fatigant autant pour lui que pour moi. C'est-à-dire que donc ça permet de pallier ça, c'est de mettre les gens sensiblement par niveau. C'est bon pour progresser et pour le plaisir du jeu, c'est important. Alors je vais revenir un petit peu sur notre thématique initiale. On s'est pas mal arrêté effectivement sur les jeux de cartes, on y reviendra de toute manière tout au long de ce podcast. Mais tu disais qu'effectivement, peut-être qu'il ne faut pas être bon en maths, mais en tout cas, une capacité à calculer est importante, que ce soit pour envisager des probabilités. J'imagine que quand on construit un deck dans un jeu de cartes, on pense aussi aux probabilités qu'on a de sortir un certain nombre de cartes, notamment dès le premier tour. Et puis une capacité effectivement à compter un certain nombre de choses, que ce soit les cartes de l'adversaire, la capacité qu'on a à infliger un certain nombre de points de dégâts à des créatures, en se disant si je combine ça et ça, je vais infliger juste le bon nombre de points de dégâts à cette créature-là en fonction de ses spécificités. Il y a quand même souvent, et on le retrouve dans finalement beaucoup d'autres jeux, quasiment tous les autres jeux, à un moment, le besoin de se confronter à du calcul. Est-ce que c'est pas contradictoire avec l'image qu'ont la plupart des gens du fait que les mathématiques, c'est quelque chose de pénible? Alors, ça dépend. Il se trouve que c'est plutôt qu'à l'école, on enseigne aux gens d'une manière assez mauvaise, globalement, notamment en les punissant. Les gens n'ont pas envie d'apprendre à l'école, parce qu'ils sont classés, ils sont... Il y a une compétition, en fait, c'est le reflet du monde du travail, quoi. Et on se retrouve avec justement, notamment, une école dans laquelle on classe, on donne des notes, on punit en fait ceux qui échouent. Et du coup, les enfants n'ont pas envie de s'investir. Et on peut apprendre de manière strictement ludique en montrant les intérêts des disciplines, notamment les maths. Très souvent, on déconnecte en fait les mathématiques du réel, alors qu'on peut montrer que ça peut être très pratique dans tout un tas de cas très concrets, et qu'on peut même avoir un plaisir aussi intellectuel simplement à manipuler des formes. Il faut juste essayer de trouver la bonne méthode, parce que parfois il y a des gens qui peuvent être un peu réticents, mais avec une méthodologie adaptée, un bon système, plus de profs, disons-le aussi. C'est sûr qu'un prof pour 30 élèves, le mec, s'il a des difficultés en maths, on ne pourra jamais l'aider. C'est aussi ça, c'est que c'est beaucoup de mauvais souvenirs pour beaucoup de gens, parce que il y a des pouvoirs publics qui ne mettent pas assez d'argent dans l'école, et donc en plus une idéologie qui est désastreuse, qu'il faudrait critiquer, et avec un meilleur système scolaire et plus de moyens, il n'y a pas de raison en fait que les gens, ils pourraient ne pas être bons en maths, mais on pourrait prendre du plaisir en fait, il y a des à faire cette activité. Donc c'est pas nécessairement pénible en soi, mais je comprends tout à fait que ça puisse gêner un certain nombre de personnes, et c'est d'ailleurs pour ça que certains types de jeux font fuir un certain public. Typiquement les jeux tour par tour, c'est niche pour la simple et bonne raison qu'on met directement l'accent plutôt sur la réflexion et pas sur l'action. Ce qui fait qu'on est constamment... on nous demande de réfléchir, et il y a quelque chose qui est souvent vu comme plus humiliant, mais ça c'est encore une école qui nous a inculqué ça, c'est-à-dire que ne pas avoir de bons réflexes, c'est vu comme, bon, j'ai pas de bons réflexes, c'est pas grave, je suis pas trop jugé. Si par exemple, on fait une erreur de logique ou une erreur de calcul, on va se dire, je suis bête. Et en fait, c'est parce qu'on a... On se flagelle parce qu'à l'école, en fait, on nous a appris à nous dire que c'était peut-être, comme c'est une discipline entre guillemets noble, les mathématiques, oui, c'est bien le sport, mais quand même les mathématiques, c'est des gens très intelligents qui le font, qui font de grandes études, etc. C'est le rapport du coup au nombre et à l'activité qui est vicié, mais je pense que simplement il faut dédramatiser ça, c'est pas grave de faire une erreur. Même quand on est un bon joueur, des fois on peut en rigolant, on se dit mince, j'ai fait cette décision, c'est absurde. Il faut pas se sentir jugé. Éventuellement, si le type de jeu nous intéresse pas, c'est suffisamment, il y a plein de types de jeux pour qu'on puisse trouver un jeu qui nous intéresse. Mais il faut déjà se désamorcer un peu ça, ne pas forcément se moquer si les gens sont un petit peu. Sont pas assez confiants, ont pas assez d'assurance, etc. Enfin, adapter, mais quoi qu'il en soit, dédramatiser un peu la chose, quoi. On en revient au-delà de la problématique de l'éducation nationale dont on pourrait débattre des heures. Revenons un peu au jeu. Et je me posais la question, en fait, puisque là, tu parlais en fait d'humain aussi. Où est l'humain dans toutes ces mathématiques, dans toutes ces probabilités et dans toutes ces façons de jouer? Quelle est la part justement de flou qu'on retrouve beaucoup dans le jeu de rôle, par exemple, puisque voilà, il y a l'imagination humaine qui paraît beaucoup plus, comment dire, plus fluide comparé au rigorisme mathématique. Alors certes, effectivement, c'est toujours intéressant d'essayer de voir ce qui est entre guillemets l'essence de l'homme. Enfin, il y a toute une histoire de la pensée qui essaie de le définir. Alors ça peut être l'être qui imagine, l'animal politique, l'animal qui imagine, l'animal économique, etc. Mais un des points, c'est quand même la rationalité, en fait. C'est ce qui distingue, entre guillemets, fondamentalement, parce qu'on sait maintenant que les études éthologiques, donc ceux qui étudient les animaux, s'aperçoivent que contrairement à ce que nous a inculqué en fait les monothéismes, mais notamment le christianisme, il n'y a pas les hommes d'un côté et les animaux de l'autre, c'est avec beaucoup de gradation, c'est continu. Mais quoi qu'il en soit, la rationalité, c'est quelque chose qui met entre parenthèses le réel en fait. C'est cette idée en fait très abstraite que ce qui est le plus vrai en fait, c'est ce qui est absolument pas palpable, c'est pas ce qui est physique en fait. On est presque dans le monde des idées de Platon en fait. C'est comme ça que en fait, les mathématiciens voient le monde. C'est cette espèce en fait de choses extrêmement abstraites qu'on ne peut toucher que par le raisonnement, et on ne peut pas le voir en ouvrant les yeux. Et pourtant, ça explique tellement de choses, c'est juste hallucinant, enfin, c'est quelque chose d'incroyable. Enfin, le pouvoir de la rationalité, c'est aussi ça, c'est une dimension fondamentalement humaine. Ce qui pose la question du duel face à l'ordinateur. Comment on arrive à déterminer la différence entre un joueur lambda et un ordinateur? Alors c'est sûr que ça, on pourrait avoir, peut-être que tu veux... Ouais, je voulais intervenir par rapport à... Dorian. C'est aussi, du coup, cette question de l'abstraction du jeu qui devient une activité purement rationnelle, se pose essentiellement à haut niveau, en fait. Parce que souvent, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui valorisent, notamment moi, un truc que je connais plus que les jeux de cartes, c'est les jeux de combat. Il y a des gens, ce qui les intéresse dans les jeux de combat, c'est d'arriver avec des stratégies originales. Quitte à ce que cette stratégie soit perdante. Si elle est originale, c'est ça qui leur convient dans le jeu. Et on s'aperçoit que, bizarrement, les pratiques se normalisent à haut niveau, et que plus tu arrives à très haut niveau, moins il y a de stratégies originales, et plus les gens ils appliquent des plans de jeu rationnels, basés sur le fait que l'adversaire en face applique aussi des plans de jeu rationnels. Du coup, les réponses se font sur des manières très conventionnelles et normées. Et c'est vrai qu'il y en a plein de gens qui disent de ça, « Ouais, mais tu m'as battu, mais t'es pas original. » Bah ouais, mais bon, celui qui gagne le tournoi, c'est pas celui qui est le plus original, c'est celui qui applique le meilleur plan de jeu. Je vais prendre l'exemple de StarCraft, puisque je crois qu'on retrouve un petit peu les mêmes phénomènes avec ce qu'on appelle des build orders, soit un choix de construction de bâtiments et d'unités dans un ordre précis, qui pour le coup demande quand même, si je ne m'abuse, pas mal de capacités de calcul pour anticiper les flux, comme le disait Adrien, les flux de ressources qui arrivent et de ressources qu'on dépense et le temps qui est passé entre les deux. Et puis, effectivement, des build orders plus efficaces que d'autres et qu'à très haut niveau, on voit sortir finalement de façon quasiment systématique avec deux, trois variantes équivalentes en termes d'efficacité. Et du coup, c'est sur la capacité à choisir telle ou telle variante par rapport au joueur qu'on a en face que finalement on a la différence. C'est du coup, après, c'est sur des questions de degré en fait. Parce que souvent, on se retrouve face au contre-exemple, c'est oui, mais tu joues comme tellement d'autres joueurs jouent. C'est sur Duel of Champions, c'est t'as pris le deck du champion. T'as pris les mêmes cartes que le champion, donc forcément, tu vas appliquer les mêmes plans de jeu. Donc, vu que c'est le champion qui l'a pensé et pas toi, forcément, toi, tu fais des performances. Donc, il y a souvent cette critique-là qui arrive derrière. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, à haut niveau, ce qui fait la différence entre les joueurs, du coup, c'est aussi la différence de degré. Parce qu'on voit que, par exemple, si tel joueur applique telle stratégie rationnelle, il y a telle réponse rationnelle. À cette réponse rationnelle-là, on peut imaginer telle réponse qui est rationalisée aussi. Et c'est la capacité à imaginer des réponses à la réponse, à la réponse, à la réponse, à la réponse de la réponse, qui va du coup faire la différence entre un très bon joueur qui trouvera la dernière réponse à degré N plus que je ne sais pas combien, que celui qui, du coup, arrivera au bout d'un moment aux limites de sa rationalisation en disant « bah là, je ne vois pas de réponse à cette nouvelle réponse ». Ce qui est vraiment très important à haut niveau, c'est souvent ce qu'on appelle l'adaptation dans tous les jeux. C'est là, quand on perçoit vraiment un plan de jeu, on arrive à voir tous les différents embranchements de ce plan de jeu, toute la souplesse, en fait, les moments où on va devoir opérer des virages entre guillemets logiques, c'est-à-dire parce que dans telle situation, c'est plus optimal. Parce que très souvent, on se dit ce deck est optimal en moyenne, mais peut-être que dans telle situation, maintenant, il va falloir opérer en fait un virage stratégique que sauront déceler, alors si c'est un jeu en temps réel, ne sauront déceler que justement quelques bons joueurs qui arrivent à analyser suffisamment vite en fait les données. Ce que ne savent pas faire la plupart des gens, il y a trop de chiffres, il y a trop de choses à voir, et si on n'arrive pas à analyser assez rapidement, et même dans les tours par tour, on a le problème, c'est que des fois, il y a tellement de data, tellement de données qui fonctionnent en système les unes avec les autres, on ne peut pas les prendre de manière brute à fonctionner en système, et on n'arrive plus, on est un petit peu perdu, et on reste bêtement sur un plan de jeu, alors que le bon joueur va être celui qui, systématiquement, va comprendre qu'il va falloir opérer des virages stratégiques, va analyser les données qui vont lui permettre justement de s'adapter. Est-ce que finalement, c'est pas ça qui justifie un peu la prééminence des échecs dans les jeux de société sur plateau, parce qu'on a un espace finalement assez limité, un nombre de pièces assez limité, ce qui laisse une très très large place à la capacité du joueur de connaître et de se projeter dans des embranchements en ayant moins de limites dues aux trop nombreuses possibilités? Alors oui. Et je mettrai deux bémols, c'est-à-dire que c'est effectivement un jeu extrêmement important dans l'histoire du jeu et un jeu qui illustre bien ce que tu as mentionné, mais on est arrivé, entre guillemets, aux limites du jeu, à très très haut niveau. C'est que maintenant, on est plutôt des gens qui utilisent ce qu'on appelle la mémoire séquentielle ou qui répètent des plans de jeu avec des situations typiques, parce que le jeu, contrairement à ce que certains pensent, il est, entre guillemets, limité dans sa richesse. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas suffisamment en fait, de cas et il y a assez symétrique. Et c'est un jeu déterministe. Du coup, en fait, très souvent, il n'existe pas suffisamment de stratégie optimale. Il existe presque, évidemment c'est faux ce que je vais dire, c'est une caricature, c'est qu'on en est presque, terminer les échecs, ça consisterait à dire oui, il existe une stratégie optimale qui n'admet aucune contre-stratégie optimale. On déroule un plan et on sait qu'on va gagner. On a un avantage quand on commence aux échecs. Et c'est pour ça que maintenant, les échecs sont beaucoup moins, un jeu en fait référence pour les game designers. On va essayer de rajouter deux choses partant des échecs. Ça va être de l'asymétrie. Alors ça pose le problème de l'équilibre, parce que dans un jeu symétrique, l'équilibre c'est pas un problème. Tu donnes la même chose à chacun. Et à part le fait que ce soit pas tout à fait symétrique parce que c'est du tour par tour. Il y a un qui commence et un qui est deuxième. Hormis cela, c'est vraiment l'équilibre, c'est le degré zéro de l'équilibre. C'est dans un jeu de versus fighting, il n'y a que Ryu, c'est un jeu équilibré. Ça, c'est même pas inintéressant, c'est un jeu intéressant, pour peu que le personnage ait suffisamment de coups. C'est un jeu symétrique, c'est donc c'est facile à équilibrer. Un jeu asymétrique, alors ça pose le problème de l'équilibre. On l'abordera peut-être plus tard, mais du coup c'est le Shifumi en beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que formaliser en fait un jeu asymétrique qu'on va savoir équilibrer, en fait, il n'y a pas de modèle mathématique pour l'anticiper. Il va falloir bien avoir un game design bien peaufiné, puis ensuite faire pratiquer par des top players. Et on peut pas tout anticiper. Mais non. Alors, ce qui se passe, du coup, c'est qu'on va essayer justement de plus en plus, pour les jeux modernes en tout cas, de mettre de l'asymétrique. Pour le jeu vidéo, c'est parfaitement le cas. Hein. Les jeux de combat, les RTS, c'est des jeux asymétriques. Et la deuxième chose, c'est, et c'est plus vrai pour le jeu de plateau, c'est rajouter un tout petit peu d'aléatoire. Le curseur, c'est pas jeu déterministe, jeu aléatoire, c'est que maintenant, il n'y a quasiment plus de jeux strictement déterministes ou de jeux purement aléatoires, c'est où est-ce que tu mets le curseur entre les deux pôles. Et maintenant, on va aimer les jeux comme les échecs, mais avec un tout petit peu d'aléatoire. C'est pas nécessairement pour dire n'importe qui peut gagner maintenant, parce qu'il peut se passer des revirements extraordinaires, et même du point de vue du pur plaisir du jeu, c'est sympa en fait, ces revirements spectaculaires, ça produit des émotions incroyables. Mais qu'est-ce que ça crée l'aléatoire ? Ça crée des diversités de situations, des situations inattendues, et il va falloir s'adapter. Et l'adaptation, c'est le bon joueur qui, avec une donnée qui n'était pas prévue, va quand même réussir à adapter sa stratégie pour jouer de manière optimale avec les nouvelles données qui arrivent avec ces dés qui sont jetés. Et en fait, c'est ce qui plaît beaucoup aux joueurs compétitifs maintenant, c'est des jeux très déterministes avec par exemple, un tout petit peu d'aléatoire dans beaucoup de jeux pour l'adaptation, pour le plaisir du jeu où on va devoir à vif se dire mince, il va falloir que j'adapte ma stratégie parce qu'il s'est passé ça, et ça d'habitude ça n'arrive pas. Florian ? À cela, j'ajouterais quelque chose, c'est aussi la question de savoir si les informations sont complètes ou non. C'est-à-dire que dans les échecs, on parle d'un jeu à information complète. C'est-à-dire que à n'importe quel moment du jeu, je vois toutes les pièces que j'ai sur le plateau et toutes les pièces que mon adversaire a sur le plateau. Si on fait le parallèle avec StarCraft, par exemple, qui va être le jeu de stratégie en temps réel qu'on peut facilement comparer aux échecs, il y a toute une compétence du joueur qui est la manière d'aller capter l'information. Je commence la partie, je sais où est ma base. Je ne sais pas où sont les... Si maintenant ils savent, les joueurs à peu près, où sont les ressources qu'ils doivent aller chercher, mais je ne sais pas où est la base de mon adversaire. Et surtout, je ne sais pas quelle stratégie ils sont en train d'adopter. Il faut que j'aille voir là-bas, et donc prendre un risque de me faire découvrir aussi, d'être vu aussi en allant voir, pour pouvoir voir déjà quelle est sa stratégie, pour avoir les datas, pour les analyser, et ensuite m'adapter. Finalement, on revient un peu à un jeu qu'on évoquait il y a 15 jours, le poker. Où pareil, on est dans un jeu à information incomplète et où une des capacités, et on revient à notre sujet, une des capacités importantes du joueur, c'est aussi la capacité à calculer ou à établir des probabilités sur ce que peut avoir le joueur adverse et éventuellement aller tester les différentes probabilités au fur et à mesure de la partie pour se faire une idée de plus en plus précise du jeu de son adversaire. Alors ce qui est très drôle, c'est que le poker, c'est un jeu qui a l'air excessivement simple, et ça l'aide d'une certaine manière, puisqu'il y a la fameuse phrase de Doyle Brunson qui dit « c'est un jeu, on apprend les règles en 2 minutes, il faut un an, pour une vie pour les maîtriser ». Mais c'est vraiment ça le poker, c'est qu'il y a très peu de règles. Un jeu de cartes, n'importe qui a un jeu de cartes chez soi, donc c'est facile en fait de trouver un jeu de cartes, d'apprendre les règles et de se mettre à jouer. Et on a l'idée souvent que c'est un jeu dans lequel il est facile de bien jouer, parce qu'on en a souvent une image assez faussée, notamment à la télévision. On en discutait il y a 2 semaines, c'était justement cette idée, ben justement avec aussi le biais, il faut que ce soit spectaculaire, que ça captive le spectateur, avec ce système, l'argent, la starisation, mais surtout ce qui m'intéresse, parce que là on parle de stratégie, c'est on va surtout montrer des gens qui se prennent ce qu'on appelle des bad beats, donc des mauvais coups, des gens qui ont de la chance, des gens qui ont de l'audace et font des bluffs. Et vraiment les gens ont l'impression que le poker, du coup, c'est spectaculaire et surtout c'est une sorte de loterie, peut-être un petit peu plus compliquée, mais au final chacun peut avoir sa chance et on... J'aurais presque envie de faire un procès d'intention au room de poker, parce que cette image, en fait, elle donne envie à n'importe qui de se dire « bah moi aussi j'ai ma chance, moi aussi je peux gagner 1 million si je vais sur un site de poker », et la plupart du temps, cette personne se fera plumer. On les appelle les fiches, ceux qui se font, qui jettent leur argent par les fenêtres, qui jouent n'importe comment. Parce qu'en fait, effectivement, il y a une énorme base mathématique derrière le poker, et elle est même atrocement complexe. La théorie derrière le poker est même, en fait, c'est plus complexe que les échecs pour jouer, enfin au niveau des théories mathématiques qui sont impliquées. Ça va, bon, certes, des statistiques, dire j'ai tant de chances d'avoir tel tirage, ça c'est des probabilités, mais c'est qu'à un premier degré. Ce qu'on appelle les cotes implicites, ça c'est déjà une notion financière qui est plus compliquée que les simples probabilités, savoir est-ce que d'un point de vue économique, je peux mettre un jeton, faut savoir, j'ai combien de chances de toucher, donc on fait des calculs comme à la bourse, hein, ou comme dans les banques, c'est si j'ai une chance sur 2 de gagner 2, je peux mettre 1. Mettre 10, il y a des fois des paris irrationnels, ce que font beaucoup de gens. Donc il y a la dimension financière, il y a aussi les évaluations de force d'évaluer sa main contre la main d'un adversaire. Parce que là, le poker dans sa forme la plus connue actuellement, c'est pas le poker fermé, c'est le poker hold'em depuis quelques années. Pourquoi il a eu un succès ce jeu ? C'est parce qu'en fait c'est un jeu, c'est une des formes de poker qui est le plus à information complète. On connaît en grande partie la main de l'adversaire, puisque la main, les cartes qui sont au centre, c'est la main de tout le monde. On a juste à deviner les 2 cartes qu'il a en main. c'est peu. Et donc du coup, on peut faire mentalement, on arrive sans forcément s'aider d'un ordinateur à évaluer la force de la main d'un adversaire. Mais contrairement à ce que croient la plupart des gens, il ne s'agit pas de savoir la main qu'a l'adversaire comparée à la main que j'ai. Il s'agit d'évaluer sa main contre la range de l'adversaire. Ce qu'on appelle la range, c'est l'éventail en français. C'est l'éventail des mains qu'il est susceptible d'avoir compte tenu, un, de sa position, de la taille de son stack, de la taille de ses relances, de la fréquence de ses relances, etc. Et mathématiquement, tu as des modèles qui te prédisent très très bien tout cela. Et donc en fait, c'est de telle sorte, bah, c'est même carrément, il y a des gens qui jouent aussi avec des outils sur Internet, parce que justement, c'est tellement complexe que pour s'aider, il y a des HUD qui te permettent de donner des statistiques, et qui, là, t'as pas besoin de psychologie ou de voir la personne. Alors des HUD, c'est des Heads Up Display. C'est ça. Ah. En gros, supposons que nous jouions, par exemple, tous les quatre autour d'une table. Bah, en live, on est obligé de faire appel à sa mémoire, faire appel à ce qu'on appelle des tells physiques, genre, oh, il a l'air un petit peu inquiet, il gigote sur sa chaise, il fait semblant d'être au téléphone, tout ça. Il n'y a pas ça sur Internet. Et pourtant, on a plus d'informations sur Internet, ce qui peut paraître surprenant qu'en fait, quand on ne connaît pas beaucoup le poker. Alors, toute la dimension économique, en fait, un joueur, c'est qu'une grille de chiffres. Si on a joué suffisamment de mains ensemble, supposons qu'on ait joué 10 000 mains ensemble, et ça va très vite sur Internet, c'est pour ça que c'est possible. Eh bien, je vais voir que, par exemple, tu joues 80% de tes mains. Imaginons que Dorian joue 20% de ses mains. Bah, ça, c'est une donnée monstrueuse. Je sais que ton éventail, ce qu'on appelle ta range, est de 80%. Et je regarde de la main la plus faible, entre guillemets, 2-3 dépareillés ou 7-2 dépareillés, jusqu'à As-As, 80% de tes mains, je sais que ça inclut par exemple Roi-10. Si Dorian joue 20% de ses mains, je sais que j'exclus Roi-10 de sa range. Je sais qu'il n'aura jamais Roi-10. Là, on est rentré les deux pieds dans les maths quand même. Ah oui, mais c'est les maths, mais le poker, c'est presque pire que les échecs, au sens où l'échec, il va y avoir cette dimension stratégique, et c'est plus de l'ordre du raisonnement logique. On va faire des arbres des possibles avec des conséquences ou des types de situations. Mais là, vraiment, pour le poker, on est vraiment dans la finance et dans justement la grille analytique qui on décrypte littéralement les joueurs. C'est monstrueux qu'une fois qu'on a les données, ce qu'on peut faire. Enfin, moi, je m'interdisais de jouer avec un HUD parce que je prenais plus de plaisir à jouer. Mais c'est effarant ce qu'on peut tirer en fait du comportement d'un simplement par la fréquence et la taille des relances. Et c'est... Je vais poser la question troll que je pose de temps en temps dans le podcast. Bon, je pense que dans le poker informatique, c'est impossible. Mais au poker, la principale triche, c'est compter les cartes, si j'ai pas de bêtises. Non. Non, c'est au blackjack. C'est au blackjack. Oui, c'est au blackjack. Parce que au poker, en fait, on remélange. Il y a un dealer qui remélange tout le temps les cartes. Donc les triches en live, ça va être éventuellement des cartes marquées. Comme il y a eu un scandale. Ce qui est d'ailleurs un truc débile, hein, parce qu'il suffirait de remélanger les cartes à chaque coup au blackjack aussi, et compter, ça servait à plus à grand chose. Ce qu'ils font maintenant. En fait, à l'époque, au blackjack, on comptait les cartes parce que c'était un sabot de 6 jeux. Et les gens arrivaient à mémoriser en fait l'entièreté des cartes. Donc on arrivait vers la fin et on pouvait après connaître les cartes qui sortaient. Ce qu'ils font maintenant, c'est qu'il y a toujours 6 jeux dans le sabot, mais au bout de 3, ils remélangent. Donc du coup, ça... Alors, je vais essayer d'aborder la thématique du podcast en la prenant par l'inverse, du coup. Prenant en compte ce que tu viens de nous dire, notamment sur la pratique du poker, est-ce que quelqu'un qui est nul en maths n'a aucune chance de réussir? Est-ce qu'il y a des moyens de contrer ça? Visiblement, la mémoire est un des facteurs déterminants aussi du jeu, pas seulement la capacité à calculer. Ça va être difficile d'être très bon. Mais on peut être bon. En fait, on peut faire toujours des raisonnements un peu plus approximatifs. C'est sûr, si on veut être précis, il va falloir être bon en calcul mental, en cote implicite, en, des fois même des concepts mathématiques comme les ranges d'équilibre de Nash. Enfin, c'est carrément, en fait, c'est des prix Nobel d'économie, des théories d'équilibre. Tu commences à sortir des gros mots, là. Non, mais c'est un truc de fou, en fait. Les gens n'ont pas conscience de ça. Moi, j'adore, je joue même plus au poker, mais je m'intéresse aux articles simplement techniques où on voit les théories mathématiques impliquées. C'est du délire, quoi. Mais peu importe. Mais quoi qu'il en soit, être très, très bon, c'est quand même mieux d'être effectivement bon en maths. Faut aimer raisonner. Mais par contre, on peut être simplement bon, bien s'en sortir, en étant rigoureux, parce que la mémoire programmatique séquentielle peut largement compenser ça. Tu peux apprendre quelles sont les bonnes mains, tu peux apprendre en gros comment te comporter dans telle situation, c'est une autre manière d'apprendre, mais tu vas avoir un jeu très solide. On va te dire par exemple, joue 10% de tes mains, tu joues As-As-Roi-Roi, As-Roi, Dame-Dame, des trucs comme ça, dans telle position tu fais ça, et tu peux apprendre par cœur des grilles que certains ont mis des années à sortir parce qu'il y a des complexes mathématiques derrière qui sont des concepts mathématiques qui sont très complexes derrière. Toi, tu peux juste les apprendre. La mémoire, ça sert à ça aussi. C'est une autre manière de jouer. Tu peux simplement, sans comprendre, appliquer et tu auras déjà un jeu solide qui battra la plupart des gens que tu rencontreras. Est-ce qu'il t'arrive de rien voler? Ah, pardon, excuse-moi, Dorian, vas-y. Ajouter un insight particulier, parce que pour ma part, je suis dyscalculique. Et il y a différentes formes de dyscalculie, donc pour préciser la mienne, c'est-à-dire que si tu me donnes le temps qu'il faut, je peux faire des calculs en prenant beaucoup de temps, mais dès que je dois appliquer, et en fait en gros les psychologues disent que j'ai des stratégies mathématiques immatures, parce que dès que je dois appliquer des mécaniques opératoires qui permettent d'aller plus vite, tout ce qui permet le calcul mental, je me plante. Et donc c'est vrai que du coup, je ne serai jamais, par exemple, à tous les jeux auxquels on joue, Colon de Catan, Game of Thrones, etc., je pense que je ne serai jamais excellent. Mais j'arrive à m'en tirer quand même, parce que tu peux t'en sortir malgré tout en faisant à la louche. Quand tu fais à la louche et que tu te dis « Bon, bah, je dois être, j'ai plus de chances de gagner que de perdre », t'es pas sur des chiffres précis de 72%, mais du coup, grosso modo, dans la plupart des cas, vu que tu sais que globalement ça va, bah globalement ça va, quoi. Mais c'est juste qu'effectivement, quand t'as cette lecture mathématique précise du jeu, tu peux avoir même sur les points de détail du coup une lecture et un affinage de ta stratégie qui est plus élevé. Il reste pour des jeux en fait qui sont moins complexes que le poker et les échecs, comme peuvent l'être justement beaucoup de jeux de société comme Catan, le mimétisme peut largement compenser en fait l'expérience des parties. Avoir joué avec des bons joueurs qui ont gagné, tu vas dire ah, c'est marrant, lui il a déployé telle stratégie, effectivement il nous a défoncé, et de ce que j'ai cru comprendre il a procédé à peu près comme ça. Eh ben, je vais utiliser cette stratégie et du coup, effectivement, ça va être assez efficace. Et ça va obliger l'autre, du coup, à se dire, mince, je vais devoir trouver une nouvelle stratégie. Quand l'autre devient miroir de... Intéressant comme théorie. Justement, et ça rejoint d'ailleurs ce que tu disais au niveau des jeux types qu'on peut mémoriser, qu'on peut ressortir. Manu, tu voulais dire... J'ai oublié ma question précédente, mais c'est pas grave, on a cité les colons de Catan. Sur cette question-là, je reviendrai aussi sur un truc qui a été au début, où il y a eu un peu une opposition de fait qui a été faite entre les jeux qui n'est en temps réel, qui nécessitent du réflexe, et les jeux tour par tour, où là, on est plus dans la réflexion. Il faut voir que aussi dans les jeux qui nécessitent du réflexe, la réflexion ne se situe pas au même niveau. Je vois par exemple, nous, on a un ami Rufio qui joue beaucoup aux jeux de combat et qui est très compétent aux jeux de combat. Et il dit, non, mais moi, c'est pas les réflexes qui me permettent de gagner. C'est l'analyse que j'ai du jeu qui fait que, au training, donc à l'entraînement, je vais conditionner des réflexes. Je sais que, pareil, il a des représentations statistiques plutôt précises en disant que, dans tel cas, si je fais ce coup-là, ça passe, la plupart du temps. Donc il va se conditionner à faire cette réponse-là, la plupart du temps. Et tout comme il va apprendre à conditionner son adversaire. Où il sait que, si je répète cette action-là régulièrement, mon adversaire va avoir tendance à réagir comme ça. Du coup, arrivera le moment où quand je sais que lui, il dit « je l'ai endormi », quand je sais que je l'ai endormi, là, c'est là que tu peux lui faire à l'envers. C'est une approche de bluff, en quelque sorte. C'est une approche du bluff, mais tu ne la fais pas pendant que tu joues. Tu la fais pendant que tu crées ton plan de jeu à l'avance, en ayant vu des parties de tes adversaires aussi, etc. J'ai retrouvé ma question entre-temps. Et du coup, je me demandais, toi qui calcules beaucoup effectivement sur des jeux type poker, jeux de cartes en ligne, est-ce que tu te retrouves à avoir ce même réflexe et cette même approche du jeu sur d'autres types de jeux quand tu joues? Est-ce que tout de suite, les éléments statistiques, les éléments combinatoires sont tout de suite quelque chose qui t'accroche? Tout le temps. Dès que c'est un jeu de stratégie, j'entends. Dès que c'est un jeu de stratégie, il se trouve que notre groupe d'amis, on joue quand même beaucoup à des jeux de stratégie, notamment des jeux de plateau, toujours. Je vais formaliser les raisonnements, essayer de voir les choix qu'ont les adversaires, affecter des probabilités, partir du principe qu'ils n'auront pas forcément analysé certaines données, et je peux partir du principe qu'ils ne vont pas faire a priori telle action qui leur garantirait la victoire, et donc du coup faire telle action en conséquence, notamment dans les jeux déterministes dans lesquels il n'y a pas d'alliance. Parce que comme on le dit souvent, à partir de 2-3 joueurs, c'est pas toujours celui qui résonne le mieux qui gagne, mais tant mieux finalement. Moi j'adore les jeux avec de la diplomatie qui complexifie aussi les choses et qui fait qu'on a des bonnes émotions. Parce qu'autant j'adore en fait raisonner, mais ça crée des situations de jeu vraiment extraordinaires, la diplomatie avec des gens qui s'allient, alors juste parce que de faible c'est toujours plus fort qu'un fort, quoi. Soyons clairs, quoi. Quel que soit le jeu, la trahison, le fait de trouver un mec sympathique et de finalement préférer laisser gagner quelqu'un, c'est pour ça que c'est d'autres dynamiques de jeu. Mais même dans ces jeux-là, je vais essayer de quand même de jouer de manière rationnelle tout en sachant qu'il y a des facteurs que tu maîtrises pas vraiment. Mais c'est ça qui est intéressant dans ces jeux. Autre question, je vais prendre en fait la thématique vraiment à l'envers. Quel jeu, parce que là on est en train de parler de mathématiques et de jeux, quel jeu serait absolument pas mathématique? Dixit, jeu d'imagination, par exemple. Alors, tu pourrais toujours me dire, mais avec une mauvaise foi incroyable, on peut toujours, en fait, parce que un jeu, c'est toujours, le joueur se le réapproprie. Donc, tu peux toujours avoir une manière de jouer tordue en disant, ah oui, il y a des cartes qui se ressemblent un peu, donc je vais plutôt partir sur telle thématique. Il y aurait des, peut-être pas des maths, mais des raisonnements logiques ou statistiques, mais vraiment, ce serait passer à côté du jeu, qui est plutôt un jeu d'imagination, éventuellement un jeu littéraire, et donc du coup, on va essayer de... Enfin, moi, quand je joue à ce genre de jeu, ça va vraiment essayer de l'art de la formule, essayer de rentrer dans la tête de l'autre. C'est pour avoir des émotions particulières. Enfin, moi, dans des jeux comme Dixit, je compte même pas les points, en fait. Je m'en fiche de gagner. J'essaie de bien jouer, mais l'essentiel, c'est vraiment l'expérience particulière et l'acte d'imaginer, pour moi. Je m'étais trouvé une réponse et je me suis fait le contre-argument tout seul. J'allais dire, dans le sport, c'est pas nécessaire d'être fort en maths pour... Et en fait, tu t'aperçois que moi, les sports qui me plaisent en plus, notamment le football américain et le baseball, c'est des jeux de gestion, en fait. Parce que maintenant, c'est qui sont les vrais joueurs dans une partie de baseball ? C'est les entraîneurs. Parce que tu as un tableau de répartition statistique où tu sais que tel lanceur, sur l'année précédente, il a eu tel taux de lancer de balle molle, tel taux de lancer de base straight, tel taux de lancer avec une balle à effet. Et tu sais que tu as ton batteur qui, lui, est plus efficace dans telle zone de réception plutôt que dans telle autre, etc. Et du coup, tu alignes les trucs. Et c'est vrai qu'il y a un journaliste de jeux vidéo américain qui a dit, mais je comprends pas qu'on considère pas Madden NFL comme un RPG. Alors, les auditeurs ne le voient peut-être pas, mais Adrien et moi, nous esclaffions légèrement pendant ta réponse. Alors, c'est pas parce que c'était particulièrement drôle, Dorian, désolé, hein, mais c'est parce qu'on a déjà eu plusieurs de nos invités qui nous ont signalé leur passion absolue pour Football Manager, justement sur ce genre de problématique, en nous signalant aussi qu'ils avaient entendu parler de cas d'entraîneurs et de sélectionneurs qui testaient des modèles sur Football Manager avant de les appliquer pour recruter tel ou tel joueur en fonction de ces statistiques. Pour repartir un petit peu sur cette histoire de jeu qui résiste un peu à l'approche mathématique, j'ai le sentiment qu'on peut retrouver aussi un peu toute la mouvance de ce qu'on appelle les party games là-dedans, donc Double, Time's Up ou celui avec le totem Jungle Speed. Tout à fait, oui, c'est clair. Ça c'est sûr, avec... tous les jeux, souvent, dès que... Pour le cas des jeux de société, il se trouve que c'est souvent aussi des jeux de temps réel avec des réflexes. Enfin, on est sur vraiment une autre dynamique. On fait jouer le corps, etc. Mais il y a aussi de nombreux autres jeux. Enfin, si on veut donner une liste, il y aura tous les jeux où le curseur, est, par rapport à l'aléatoire, est vraiment élevé. Il n'y a quasiment plus un jeu déterministe. On peut penser aux petits chevaux, par exemple. Les jeux, en fait, où il y a tellement d'aléatoires, on ne jette plus que des dés, que là, il ne s'agit pas d'être spécialement bon en maths ou d'être un fin logicien, on va jeter des dés et on va avoir des émotions, des hauts et des bas associés en gros au fait d'avoir de la chance ou de la malchance, ce qui est d'ailleurs super sympa dans un jeu. Quand quelqu'un a de la chance et de la malchance, c'est des émotions vraiment intéressantes. C'est d'ailleurs quelque chose que je trouve assez intéressant, que la première approche qu'on ait du jeu, c'est une approche un peu mystique. Parce que c'est vrai que jouer à la bataille, c'est un truc, ça passe jusqu'à ce que t'aies 9 ans, et passé 9 ans, la bataille, tu te rends compte que... Je tire la carte, c'est celui qui est la plus forte qui gagne, mais j'ai aucune influence là-dessus. Comment est-ce que ça a pu m'amuser 30 secondes ? Mais quand t'étais gamin et que tu jouais à la bataille, t'avais l'impression que la manière dont t'allais prendre la carte, ça allait influencer sur est-ce que t'allais gagner ou pas. Il y avait des gens qui étaient meilleurs que d'autres à la bataille, alors que ça n'a strictement aucun sens. C'est aussi parce que le jeu, d'une certaine manière, est un outil pédagogique qui t'apprend la rationalité. Arrive un moment où tu te rends compte que juste tirer les cartes, tu peux pas être meilleur que l'autre. Et donc, tu te rends compte que, ah bah oui, mais donc il faut des jeux avec des mécaniques plus complexes qui me demandent un niveau de lecture relativement abstrait pour que le jeu soit intéressant. Même si tu le verbalises pas comme ça et tu le comprends pas d'emblée, a priori, mais... On pourrait même faire une sorte d'axe, c'est un... pour passer des jeux adultes aux jeux enfants, c'est... Des jeux enfants aux jeux adultes, pardon, un des axes, ça va être vraiment justement mettre le curseur un peu du côté du déterminisme sans nécessairement enlever tout l'aléatoire pour justement... pour ce plaisir, entre guillemets, de la bonne décision, du libre arbitre et le côté, genre, être maître de son destin, simplement. Parce qu'une fois qu'on a pris conscience, effectivement, qu'il y a du déterminisme, on se dit, bah oui, bah n'importe qui pourrait, le chat pourrait jouer à ma place, ça marcherait pareil, quoi. Pour peu qu'il ait des petites mimines pour bouger ses cartes, évidemment. Et donc, on a envie, effectivement, d'être un agent libre, au moins dans le cadre ludique. C'est-à-dire prendre des décisions, quitte à ce que ce soit des mauvaises décisions, mais au moins, c'est nos décisions, et on bouge notre esprit, notre avatar, notre jeton, dans le cadre du jeu, d'une certaine manière, comme on le veut. Et c'est ça que petit à petit, c'est ce type de plaisir qu'on va rechercher souvent quand on est adulte dans beaucoup de jeux. Et c'est d'ailleurs ce que ça jette un éclairage particulier sur l'histoire de jeu. Parce que comme je l'ai souligné récemment dans un Merci Dorian sur les jeux de plateau, a priori, pour ce qu'on en sait, vu qu'on parle de la préhistoire, on n'a pas d'idée précise de ce que c'était. Mais a priori, les objets qui nous ont servi à jouer en premier lieu, qui étaient les dés et les osselets, étaient avant tout à la base des objets de divination. Mais on peut juste supposer qu'effectivement, on s'est dit « Ah, mais tiens, quand je jette des dés, le résultat, c'est jamais le même, donc ça se trouve, ça a un sens, ça veut dire quelque chose. » Jusqu'au moment où il y a un gars qui a regardé ça, qui fait « Ben non, mais on peut faire un tableau de répartition avec vos dés, moi je vais rationaliser tout ça, et je peux vous dire que mes prédictions elles vont être meilleures que celles du voisin. » Et là, on en arrive à une logique de jeu. Mais alors qu'à la base, c'était vraiment une logique, comme je disais, un peu pour comme le jeu enfant, une logique mystique. Si on se fie au fait qu'il y a toujours des voyantes qui tirent les cartes pour te dire ton avenir, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas encore réglé cette histoire de la logique mystique avec les jeux. Hein. Oui. Oui, mais alors ce qui est très drôle, c'est que, curieusement, on pourrait se dire que, vu l'histoire de la pensée, vu l'histoire du jeu, que tout ce qui est proba, les probabilités, c'est assez ancien, en fait, pas tant que ça. Mes mémoires, enfin, si j'ai quelques souvenirs, en fait, en histoire des idées, ça doit être Pascal, les probabilités. Donc on est, du coup, au 17e, début du 17. C'est donc, au final, assez récent. Il semble que c'est Leibniz avec le calcul différentiel. Ah non. Non, non, non, non, non. C'est pas justement sur les courbes, le fait de les segmenter aussi, qu'on arrive à des... Ah non, Pascal, c'est avant. Pascal, il a fait la calculette, en plus des pensées, mais il a fait en tout cas les premières probas. Et donc, du coup, avec cette idée... Parce qu'avant, on était dans une logique en fait, déterministe, justement, où il arrive quelque chose ou il n'arrive pas quelque chose. Et la probabilité, c'est justement cette idée de dire « ça peut arriver ». Ou pas, mais avec une probabilité. Du coup, il y a quelque chose d'assez... c'est pas très intuitif pour beaucoup de gens. On le remarque d'ailleurs, il y a souvent de nombreux échecs arrivés à l'école. Je crois que c'est en première ou en terminale, quand on arrive au proba. Il y a des gens pour qui ça paraît parfaitement simple, intuitif. Alors moi, il se trouvait, j'ai eu du bol, j'en ai fait partie. C'était du genre, je trouvais ça, c'était le pan le plus simple des mathématiques. Et il y a souvent un blocage, en fait. Parce que c'est pas binaire, c'est pas c'est faux ou c'est vrai, c'est ça peut arriver. Et c'est pas du tout le modèle qu'on aurait tendance à appliquer dans la nature, où on a l'impression, si on entre parenthèses, pas mal de décennies de physique, à savoir la physique quantique et autres, que ben voilà, on nous a appris, on a un petit peu un modèle à l'école de la physique du 19e, une nature très réglée, très déterministe, et les probabilités, il y a quelque chose de... On ne sait pas, ça va arriver, ça arrive ou ça n'arrive pas, une chance sur six. Les mathématiciens parlent de logique floue, entre autres. Et c'est amusant parce que pour le coup, en jeu, c'est assez intuitif cette idée-là. Pas pour tout le monde. Autant pour moi. Ah non, ça dépend. C'est l'idée de dire, je tire mes cartes, disons, si je tire sur un jeu de 54 cartes et j'ai 3, j'ai 10% de chance de... Eh ben non, moi je peux... Alors, je pense qu'ils ont du bol. Hein. En fait, on a tous les deux, j'imagine, une anecdote par rapport à ça. J'ai fait découvrir du coup pas mal de jeux à ma famille, qui ont des profils, c'est des gens qui pour la plupart en fait n'ont absolument pas fait d'études. Moi ça me paraissait vraiment... intuitif, et je me disais, bon bah, je vais donner des explications sommaires, et le poker, en gros, pour au moins l'aspect proba, je parle pas de l'aspect financier, les cotes implicites et tout ça, je disais, ça va être assez simple à saisir, et je me suis aperçu, notamment en jouant avec ma tante, qui est aussi peut-être quelqu'un de superstitieux, qu'elle avait tendance à imaginer des événements de manière binaire, ça arrive ou ça arrive pas. Donc par exemple, je lui disais, j'ai As-As en main, qui est donc la meilleure main au poker, au hold'em en tout cas, j'ai As-As, j'ai 80% de chance de gagner, peu importe la main de mon adversaire. Mais elle disait à chaque fois « Ah, je vais y aller quand même, ça peut arriver !» Et elle n'arrivait pas à se dire qu'avec sa main, avec son 7-2, elle avait peut-être que 15 ou 20% de chance d'avoir un flop favorable. Elle était dans l'idée « Ça arrive ou ça n'arrive pas ?» C'est binaire. 50-50, ça arrive, ça n'arrive pas. Ce qui est en fait complètement faux d'un point de vue probabilité, mais il y a énormément de gens en fait qui raisonnent comme ça. Du coup, c'est binaire, c'est la bataille de Troie aura lieu ou pas. C'est le tir avec le gars. Il n'y a pas de probabilité, c'est binaire. Et du coup... Il y a des gens qui valorisent, pour des raisons qui ne sont pas nécessairement critiquables, qui valorisent l'aspect irrationnel du jeu aussi. En se disant, mais le plaisir que j'ai eu à avoir une intuition juste est plus grand que le plaisir que j'aurais à avoir eu une bonne lecture du jeu. Et moi, je me suis trouvé dans le cas où, typiquement, c'était sur du hold'em, quelqu'un qui me dit, ah, mais j'étais sûr que je t'avais senti avec un valet. Je fais, bah, t'en as un dans la main, il y en a un sur la table, il y en a deux de sortie sur quatre, ça fait déjà 50% en moins, donc en termes de probabilité, pour que j'en ai un, ça fait relativement faible. Et il disait, ouais, mais je te sentais quand même avec un valet. Et c'était, parce qu'en fait, je pense qu'il aurait, si j'avais eu un valet, le fait qu'il l'ait senti sans l'avoir rationalisé aurait procuré un plaisir plus grand que s'il était passé par le raisonnement séquentiel par étapes, de se dire, j'ai un valet dans ma main, il y en a un sur la table, il est peu probable qu'il en ait un dans la main, du coup, je prends une action rationnelle. Parce que la surprise est aussi un élément plaisant dans le jeu. Et ne pas analyser le jeu pour se réserver la surprise, c'est un comportement qu'ont certaines personnes face au jeu. Alors justement, là, à nouveau, on revient dans notre thématique, c'est-à-dire que est-ce que c'est pas aussi une stratégie de contournement pour un joueur qui serait pas nécessairement fondu de maths et en l'occurrence de statistiques et de quand même prendre du plaisir à jouer. J'imagine que le succès planétaire d'un certain nombre de party games dont on parlait tout à l'heure joue aussi là-dessus. C'est-à-dire que là, pour le coup, quand on joue à Jungle Speed, on s'embête pas à compter les cartes, on s'embête pas à réfléchir au coup d'après, on joue. Après, pour préciser aussi justement cette anecdote, la personne dont je parle, il s'agissait de ma mère qui est comptable. Donc on ne peut pas soupçonner qu'il s'agisse de problèmes avec les mathématiques qui se retrouvent du coup dans des logiques de contournement. Autant c'est, pour c'est moi. Vraiment, je pense que le plaisir qu'elle tire dans le jeu n'est pas celui du calcul. Alors c'est intéressant par rapport à ta question. Alors il faut savoir que nous-mêmes et notre cercle d'amis, en fait, c'est typiquement des jeux auxquels on va assez peu jouer. Parce que nous, en fait, on adore les jeux de stratégie, parfois même très austères, très déterministes. On peut aimer les jeux de rôle, enfin pour ce qui est des jeux en tout cas, qui ne sont pas des jeux vidéo. Mais par contre, c'est vrai qu'on joue assez peu aux party games. Je trouve ça trop court comme temps de jeu. C'est un corpus, du coup, que je connais très mal. Évidemment, je les connais, mais j'y ai assez peu joué. Parce que moi, déjà, un jeu court, une heure et demie, c'est un jeu court. Bah, c'est vrai en termes de durée, non, soyons clairs. Une heure et demie, c'est un petit jeu. 2 heures, 4 heures, c'est déjà un jeu un peu plus consistant. Dans notre pratique, en tout cas, dans certains amis, du coup, quand on nous présente des jeux de 50 minutes, déjà, c'est genre, on n'a pas le temps de déployer une vraie stratégie dans le temps, parce qu'une stratégie, ça se déploie dans le temps. Donc, j'ai une petite expérience qui pourra sans doute pas beaucoup vous éclairer. Moi, je prends du plaisir, j'ai d'autres émotions. Évidemment, les stratégies sont pas les mêmes et on joue pas pour les mêmes raisons. Et gagner n'est pas une fin en soi. Donc, c'est toujours qu'une manière, qu'un seul objectif. Et prendre plaisir, le lien social, toutes ces choses-là, c'est hyper important. Enfin, on est les premiers à le dire. Donc, les rafos que j'y joue, ça va être pour ça, pour qu'il y ait un peu d'animation autour de la table, pour jouer aussi avec des personnes avec qui, du coup, qui pourraient éventuellement se retrouver exclus de fait. Parce que si dans un cercle d'amis, tout le monde sauf une personne aime les jeux de stratégie, une personne qui peut pas jouer, donc de temps en temps tu te dis on va faire un jeu quand même qu'aime cette personne, ou un jeu d'imagination par exemple. S'il y a des gens, on a par exemple des amis dans notre cercle qui n'aiment pas les jeux de stratégie, ben, on va faire un jeu littéraire ou un jeu d'imagination, c'est bon pour la cohésion du groupe et pour intégrer tout le monde. C'est assez fascinant parce qu'en fait on est parti de la question quel jeu n'était absolument pas mathématique, et en fait moi je me suis posé cette question parce que en partant du constat de ce que j'avais vu dans les vidéos de speedrun que tu as fait, où on a vu que c'était extrêmement mathématique sur l'optimisation de ça, et en fait ma question c'était le jeu vidéo est quand même basé sur des données qu'on va manipuler, qu'on va faire réfléchir, et du coup le jeu de société me paraissait beaucoup moins mathématique. En fait, ça partait de ce constat là Effectivement, il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné tout à l'heure, c'est que tu l'as mentionné, mais très vite en passant, en faisant référence à une conversation qu'on avait eue tout à l'heure, qui est qu'à partir du moment où il y a une dynamique sociale, l'aléatoire, la compétence est limitée. C'est plus forcément celui qui calcule le mieux qui gagne quand il y a du social. Et on s'aperçoit que le jeu vidéo met uniquement, quasiment, que des logiques spatiales, du coup, qui sont mathématisables. Les mécaniques sociales sont assez peu utilisées dans le jeu vidéo, même si ça commence avec des jeux qui sont un peu hybrides. Space Team, est-ce que c'est du jeu vidéo? C'est un peu compliqué de le dire. Est-ce qu'on est encore dans une pratique qu'on considère comme purement vidéoludique, etc. Justement, on arrive à un moment où il y a des objets hybrides qui font qu'on ne sait plus trop. Mais effectivement, dans le jeu vidéo, à part un jeu où tout serait complètement aléatoire, et même là, à chaque fois, il n'y a pas de pur aléatoire en informatique, vu que tu as toujours des seeds qui permettent de créer des trucs, etc. Tu arrives toujours à des modèles, malgré tout, dans le jeu vidéo, je trouve. Alors je crois que j'ai un élément de réponse, mais j'aimerais que tu reformules sommairement la question, et peut-être tu veux ajouter quelque chose avant. Moi j'avais des exemples de jeux vidéo qui, à mon avis, mais parce que pour le coup je crois que ça se rapproche des party games, fonctionnent bien et fonctionnent, enfin ne nécessitent vraiment vraiment pas d'approche mathématique ou de calcul ou de mémorisation. Alors je pensais pour le coup en termes de party game, le titre est juste, c'est Mario Party. Où on se rapproche du jeu de société, c'est-à-dire que jouer à Mario Party tout seul, c'est quand même un peu triste. Et j'ai l'impression aussi que, globalement, les jeux à interface, disons, plus ou moins corporelle, que ce soit sur la Wii, sur le Move, ou qui ont de l'analogique, en fait. Ouais, ou en tout cas, il y a de l'interaction du corps, il y a du mouvement, effectivement. Là, on sort un petit peu, j'avais WarioWare aussi c'est en ça, ouais. En moi, tête. Je pensais typiquement à WarioWare. Qui effectivement, où là, effectivement, les compétences mathématiques servent pas à grand chose, vu que c'est quasiment du pur jeu de réflexe. Ce qu'il faut, c'est. Tu t'en fous un peu du comportement physique des mini-jeux, c'est on te présente un jeu qui est une situation absurde, et le but du jeu c'est juste de comprendre ce qu'on attend de toi en fait. Et du coup t'as un doigt, un nez, tu mets le doigt dans le nez. Donc c'est effectivement, mais sinon quand tu prends Mario Party, le fait qu'il y ait des mini-jeux qui soient réglés de manière numérique aussi, tu pourrais imaginer quelqu'un qui pourrait être fort à Mario Party et être le plus fort à Mario Party ferait une analyse de game design de tous les mini-jeux de Mario Party pour quel que soit le jet de dé qu'il fait et quel que soit le mini-jeu sur lequel il tombe, il soit optimal. Tu penses, Dorian, que Yann, s'il joue à Mario Party, il commence à regarder les modèles mathématiques des mini-jeux pour essayer de trouver la stratégie gagnante ? Je pense que c'est pour ça que j'aime pas les party games. C'est qu'en fait, le fait de changer constamment en fait, de jeu ne me laisse pas le temps d'analyser en fait, les stratégies optimales. Et du coup, je déteste ces jeux. Ça fait partie des jeux que je mets très en haut ou très en bas dans ma liste des jeux que j'aime pas. Même si je trouve que c'est socialement des bons jeux, en fait, on peut très bien ne pas aimer et trouver que c'est intéressant pour tout un tas de raisons. Mais pour le coup, c'est à la troisième personne. Je trouve ça intéressant avec le recul critique, mais à y jouer, pas moi, quoi. Pour reprendre un exemple qui est un peu proche du party game, mais qui est une attitude que Yann a eue, et quand je l'ai rencontré, c'était quelque chose qu'on fait plus maintenant, c'est les blind tests. Mais c'était un truc que tu faisais qui, moi, m'a semblé ahurissant quand j'ai découvert ça, qu'il y avait des gens qui pratiquaient ça. C'est que t'avais des playlists que t'écoutais de chansons qui tombaient régulièrement en blind test pour pouvoir être plus rapide à les reconnaître et être meilleur en blind test aussi. Même si ça c'est très vieux, ouais. C'est vrai que je fais plus de blind test, mais en fait j'avais pas cette pratique parce que formulé comme ça on pourrait croire que je m'entraînais, ce qui n'était pas le cas. Mais à l'époque j'avais déjà une meilleure mémoire, et à l'époque on avait des playlists plus réduites, ce qui faisait qu'on connaissait mieux le corpus des titres qui sortaient, parce que internet était moins développé, donc on faisait des blind tests avec des playlists locales. Et forcément, vu le biais de sélection, les locaux, on va dire, avaient de plus grandes chances de gagner. Mais en tout cas, j'ai jamais appris de manière extérieure. Oui. C'est juste que de fait, je les connaissais, parce que c'était moi qui avais les playlists. Oui. Pour remettre dans le contexte, c'est vrai que j'avais jamais tilté en me disant, c'est vrai qu'il y a des blind tests, dessins animés qu'on trouve un peu partout, même si on les trouve sur Internet. C'est vrai que les dessins animés en France, c'est essentiellement Club Dorothée, AB Productions. T'apprends tous les génériques de AB Productions. T'es globalement meilleur au blind test que quelqu'un qui n'a pas appris tous les génériques d'AB Productions, même les trucs un peu obscurs. Ce qui m'a ahuri, c'est pas qu'il y ait des gens qui le fassent, c'est que même moi, j'avais pas pensé que... Mais oui, c'est vrai que statistiquement, les dessins animés qui sont passés au Club Dorothée, c'est ceux qui ressortent le plus souvent dans les blind tests sur les dessins animés. Du coup, je vais apprendre les trois premières notes de Capitaine Flamme, et comme ça, dès que ça sort Capitaine Flamme, j'ai pas besoin d'attendre qu'il commence le refrain pour faire Capitaine Flamme. Là, on est à nouveau dans l'entraînement et la mémorisation. Ouais. Alors, je vais à nouveau prendre la question à revers, mais encore dans un autre revers, la question du podcast qui est « Faut-il être bon en maths pour être un bon joueur ?» Est-ce que vous voyez un rapport entre cette question-là et le fait que dans la population des joueurs, en tout cas des gens qui se définissent comme joueurs, on trouve une proportion assez significative d'informaticiens notamment ? Alors ça, c'est très drôle, parce que même si... du coup, on ne le répétera jamais assez, hein, il y a vraiment tout type de joueurs, même au jeu de stratégie, on peut jouer sans vouloir jouer de manière optimale. Hein. L'intérêt, c'est de jouer avec des gens qui ont qui ont le même niveau de jeu, qui partagent les mêmes objectifs. Mais par contre, ouais, je vais vous faire part d'une anecdote assez incroyable qui m'a sidéré parce que je savais qu'il y avait beaucoup d'informaticiens et de professions scientifiques. Alors moi, j'en suis un contre-exemple. Je suis minoritaire en fait dans ces jeux à très haut niveau. Quand je les pratique, j'ai le seul à avoir fait philo. Pas forcément le seul, mais c'est minoritaire. Même si moi, j'ai fait de la philo analytique, donc on pourrait dire la philo, c'est la plus... on est à la cheval entre une discipline. C'est sciences humaines et sociales quand même. Mais effectivement, à haut niveau dans Duel of Champions, j'ai donc sympathisé avec tout un tas de gens en FR, sur Teamspeak, sur Skype, etc. Et je me suis aperçu que sur les 20-30 personnes que j'ai rencontrées, une moitié... Non mais c'était des chiffres hallucinants. J'ai rencontré que des profs de maths, que des mecs qui passaient le CAPES ou la GREG, des gens qui étaient en doctorat, doctorat de mécanique, doctorat d'informatique, doctorat de maths. J'avais que des doctorants, ou des profs, ou des ingénieurs, et on n'était que deux à pas avoir ce profil à haut niveau. On était trois. Il y en a un, il était commercial. Moi, j'étais du coup philosophe de formation, mais je faisais des émissions sur le jeu vidéo. Et un mec qui faisait un doctorat en littérature comparée. On avait les trois profils un peu dissonants. Mais c'était globalement, en fait, il y a un énorme biais de, comment dire, presque social, parce que là, c'est pas forcément le milieu d'origine sociale, mais un biais éducatif, en fait, à très haut niveau pour les jeux, en fait, qui impliquent, en fait, de beaucoup raisonner. On se retrouve, quand c'est des jeux tour par tour, quand c'est des jeux temps réel, c'est vraiment autre chose, je pense, mais j'ai pas suffisamment étudié la question, pour les jeux tour par tour, avec effectivement souvent des gens qui ont des solides études, et notamment scientifiques. C'est assez incroyable. Enfin, moi, quand je l'ai vu, j'ai fait « Quoi ?» Pour autant, pour tempérer cela, c'est vrai qu'à très haut niveau, la répartition que donne Yann, j'ai aucun mal à croire qu'elle existe et qu'elle soit de fait. Et ce que je veux dire, c'est que pour autant, j'ai aussi fait des études de philosophie. Et c'est vrai que dans les UFR de philo, il y a beaucoup de joueurs. Notamment, plus jeux de plateau que jeux vidéo, d'ailleurs, moi, j'ai trouvé. Mais il y a quand même beaucoup de joueurs. Donc la propension à jouer vient pas nécessairement des mathématiques. La propension d'être excellent au jeu, peut-être. Mais on trouve beaucoup de joueurs en philo aussi. Oui, mais c'est des gens qui adorent formaliser le raisonnement. La philo, c'est pour ça, c'est sciences humaines et sociales. C'est vraiment formaliser, en fait, des raisonnements. Donc pour moi, quasiment tous les philosophes de formation en tout cas que j'ai rencontrés étaient des joueurs. C'est des activités au final, ça peut paraître curieux, mais extrêmement proches. Moi, dans ma pratique du jeu de rôle, et notamment en convention, c'est une statistique faite à la va-vite, hein, mais globalement, ce que j'ai repéré, c'est que dans à peu près toutes les tables de jeu, on trouve au moins un enseignant et un informaticien, mathématicien, ingénieur. C'est, alors pour le coup, le jeu de rôle a quand même une dimension littéraire qui fait qu'effectivement, on trouve beaucoup d'enseignants et de littéraires, mais on retrouve encore dans des jeux qui sont pourtant pas des jeux hyper mécanisés techniquement, mathématiquement, dans des jeux où il n'y a pas d'opposition entre les joueurs, donc en plus, le fait d'être meilleur en calcul n'apporte pas nécessairement un avantage par rapport aux autres. Pour autant, on trouve encore beaucoup, beaucoup cette population. Je dérive un peu du podcast, mais pour vous, il y a un lien entre pratique mathématique ou d'ingénieur, et pratique de jeu, manipulateur de concepts et pratiquant de jeu. Oui, en fait, le problème c'est que c'est plurifactoriel, donc ça pourrait avoir une influence. Je ne sais pas si ça a une influence. Ça en a sans doute une. Il y aura un biais de sélection effectivement si on manipule souvent des chiffres. On est à l'aise avec certains types d'opérations, on aimerait bien retrouver certains types de mécanismes. Très souvent, ceux qui avaient des profils, en exagérant à peine, vraiment le mathématicien qui va pas aimer l'aléatoire, justement, qui aime bien les jeux strictement déterministes. J'en ai rencontré plein, mais cette idée, justement, c'est presque angoissant. Le fait, c'est pour ça, quand on est sur les campus universitaires, c'est très drôle de voir justement des gens, certaines personnes. Alors pour le coup, ce serait plutôt une sous-catégorie parce que ce serait des gens que je qualifierais volontiers pour ceci de scientifiques psychorigides au sens où toutes les questions en fait qui sont pas formalisables sont angoissantes. La vie, Dieu, la nature, tout ça, c'est angoissant. Par contre, une opération, c'est simple, on a un résultat, on a une démonstration. Et effectivement, ces gens-là souvent n'aiment pas l'aléatoire. Donc il pourrait y avoir effectivement une influence dans le choix des jeux en fonction de l'éducation, du milieu social, tout un tas de choses, ça peut avoir une influence. Mais en fait, comme c'est plurifactoriel, c'est très difficile en fait de statuer. Ça peut avoir une influence. Par contre, ce qui peut avoir une influence, c'est une fois qu'on joue à ce jeu, si c'est un jeu de stratégie, ça peut nous donner un avantage significatif dans notre progression en fait dans le jeu, parce qu'effectivement, s'il y a un classement, si c'est un jeu de stratégie, on a des bonnes armes, puisqu'on est logique, après on a des armes logiques, donc on va se retrouver assez peut-être plus facilement en haut du classement. Ce qu'il y a, c'est que là, on est face à un phénomène de corrélation. On sait que les gens qui sont à l'aise avec la formalisation de raisonnement sont à l'aise avec les jeux et ont tendance à être joueurs. Mais du coup, poser un rapport causal dans cette corrélation, c'est toujours bizarre. C'est le paradoxe de l'œuf et de la poule. Est-ce que c'est parce que je suis joueur que j'ai eu tendance à me pousser vers une carrière universitaire qui impliquait la formalisation des raisonnements? Ou est-ce que c'est parce que j'étais à l'aise avec la formalisation des raisonnements que du coup, de fait, je me suis aussi retrouvé joueur? C'est difficile de savoir en fait. Autre question, ce n'est pas parce que les jeux sont faits par des ingénieurs, par des gens justement qui viennent des mathématiques, de la physique, etc., est-ce que c'est pas ce facteur-là qui fait que les jeux sont comme ça? Alors je pondérerais, pour le cas en tout cas du jeu vidéo, comme c'est du travail d'équipe, rappelons-le, il y a des gens qui ont des profils assez différents. Alors c'est sûr, les codeurs, ils ont un profil d'informaticien. De par leurs études, ils sont souvent ingénieurs. C'est pas forcément le cas des game designers. Si un scénariste, c'est rarement le cas. Donc du coup, il y a des profils assez variés. Et plus l'équipe est grande, plus on aura des profils hétérogènes. Donc ce ne sera pas le cas. Par contre, il est vrai que pour les jeux de stratégie, très souvent, les game designers, pour le jeu de société, on prend Garfield, s'il faisait un doctorat de mathématiques. C'est-à-dire qu'effectivement, on est habitué à manipuler des formes, des choses abstraites, et c'est quoi le game design? C'est des espèces de briques de gameplay ou des choses qu'on veut faire interagir entre elles. On veut que le joueur soit mis dans une certaine situation, dans un certain cadre, avec certaines briques de gameplay, et que ça va générer un certain nombre de possibles. Ça, tu peux le formaliser. C'est ça le game design. Et effectivement, du coup, tu as un profil très similaire au profil d'un philosophe ou d'un mathématicien. Et pour le coup, il y a des raisons historiques à tout ça. Notamment pour le jeu vidéo. Prendre le cas particulier du jeu vidéo. Dans les années 70, quand le jeu vidéo arrive un peu... par exemple, on ne va pas remonter jusqu'aux années 50, parce que là, c'est carrément dans le milieu universitaire, mais dès qu'on sort du milieu universitaire, quand le jeu vidéo sort de l'université, qui a accès au jeu vidéo? Ceux qui ont un ordinateur. Qui a un ordinateur chez soi? a priori, dans un premier temps, déjà, avant même que les bourgeois aient des ordinateurs et qu'ils aient aussi accès aux jeux sur PC, etc., les informaticiens ont l'ordinateur chez eux. Donc quand tu fais un jeu sur ordinateur et que tu sais que c'est essentiellement des gars qui font de la programmation aussi qui jouent, du coup, tu vas faire ton jeu en sachant que ton public est quelqu'un qui a des compétences informatiques de traitement de l'information. Et c'est pour ça que les premiers jeux t'arrivent sur Hunt the Wumpus, qui sont des jeux justement effectivement de logique combinatoire, etc., de je dois trouver dans quelle case est le monstre, moi je suis dans telle case, il y a tels indices qui me sont donnés, et c'est vrai que t'en arrives à cette logique-là. C'est après que du coup ça commence à s'éparpiller en termes de genre, mais du coup que les genres séminaux, c'est-à-dire que les premiers jeux, quand tu vois, effectivement, il apparaît que les gens qui étaient à l'université et qui faisaient des mathématiques étaient aussi des joueurs de jeux de rôle. Donc c'est pour ça que tu te retrouves très vite avec Zork, qui est donc l'adaptation du jeu de rôle sur un micro-ordinateur. C'était des gens qui faisaient des jeux de stratégie. Donc tu fais de la gestion de ressources, tu arrives sur la stratégie. Et puis c'est pour ça qu'on arrive aussi assez vite au jeu d'aventure textuel, j'imagine aussi. Alors il y a aussi un point qui... Je rebondis sur ce que vient de dire Dorian, sur qu'effectivement le jeu vidéo naît dans les universités. Et je fais un parallèle avec, en remontant un petit peu dans l'histoire, dans les anciennes sociétés, anciens régimes et même avant, c'était certaines populations qui jouaient au jeu, notamment les aristocrates, qui au sens propre, pour ce qui nous concerne ici, c'était des gens qui ne travaillaient pas au sens le travail de production. Du temps de loisir, donc. Du temps de loisir, mais c'est ça, c'est qu'en fait, les gens principalement qui ont joué, c'est des gens qui avaient du temps, soit parce qu'ils travaillaient peu, soit parce qu'ils avaient un travail qui ne les épuisait pas, soit parce qu'ils travaillaient pas du tout. Justement, rassurons-nous, parce que c'est plutôt le devenir de l'humain. Comme il y a de moins en moins de travail, mais pas nécessairement, déjà au sens d'emploi, mais même d'activité de production, il y en a de moins en moins parce que c'est automatisé et mécanisé. Et une fois qu'on aura réglé le problème du capitalisme, en fait, on n'aura plus qu'à jouer. Il ne restera plus qu'à jouer. Et du coup, tout le monde pourra jouer, prendre le temps d'apprendre à jouer des jeux de stratégie, des jeux d'imagination et tout ça. Enfin, Je ne sais pas si c'est souhaitable, par contre, de faire que des jeux de stratégie. Ah non, plein de types de jeux, moi je suis pour multiplier, en fait, c'est pour ça que j'ai précisé également jeux d'imagination. Il restera quoi faire de l'art, c'est-à-dire ce qui est au sens strict gratuit, c'est de la production gratuite et jouer et discuter. Ouais. Donc je ne m'inquiète pas. Nous, on sera déjà plus là. Mais... Et les économistes là-dedans, parce qu'on a parlé des scientifiques, des informaticiens, des mathématiciens, des littéraires un petit peu. S'il y a bien des gens qui jouent avec les chiffres, avec la stratégie, avec les problématiques de flux entrant, flux sortant, c'est quand même bien les économistes. L'actuel premier ministre de l'économie grecque, Yanis Varoufakis, est anciennement a été économiste en chef pour Steam. Et il dit notamment dans une interview que effectivement, être économiste dans le jeu vidéo, ça permet d'avoir une vision de l'économie radicalement différente de celle des économistes classiques. Ce qu'il dit, les économistes classiques ne fonctionnent pas à partir de data précises, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ils se font une image idéalisée d'un acheteur qui est du coup, qu'on l'appelle libre et rationnel. Et c'est ce qu'on dit, du coup, quelqu'un qui va faire ses courses, acheter ses poireaux, il va appliquer les théorèmes dont parlait tout à l'heure Yann, d'équilibre de Nash, etc., pour savoir si son achat est rationnel ou pas. Alors que dans les faits, on sait que ça se passe pas comme ça. Et il dit, ayant travaillé pour Steam, pour les systèmes d'échange dans les jeux, j'avais toutes les données de tous les actes économiques de tous mes utilisateurs. Mais alors là, on est dans un économiste qui fait un travail d'économiste. Moi, ma question, c'était, est-ce que les économistes... de par leurs compétences de travail, ont des prédispositions à être joueurs et potentiellement bons joueurs dans un contexte compétitif. Alors oui, pour peu qu'ils fassent de la haute finance, c'est-à-dire pas pour le côté administratif, mais si tu fais par exemple des tâches complexes qui impliquent, comme on le voit dans nos formations, d'ailleurs en économie, il y a beaucoup de maths, donc oui, j'aurais tendance à faire la même réponse que pour les mathématiciens et autres, mais ça me permet de le dire autrement, de renverser la question, c'est plutôt regardons ce que font la plupart des économistes qui boursicotent, font de l'évasion fiscale et autres. En fait, ils adoptent des stratégies en fait, qu'on adopterait dans des jeux. En fait, ils ont des comportements de joueurs. C'est ça qui est particulièrement effrayant, c'est qu'effectivement, en fait, je pense pas qu'ils aient besoin de jouer plus que ça, parce qu'en fait, dans leur activité professionnelle, en fait, toutes leurs décisions, la manière dont ils sont réglés, on pourrait les décrire avec le même vocabulaire avec lequel on pourrait décrire un joueur qui joue. Et c'est ça qui m'inquiète, parce que ça se fait en dehors du cadre du jeu. C'est la même chose, sauf que ça a des incidences sur la vie des gens. Tu veux dire qu'un bon joueur, ça ferait un bon économiste ? Non, ça dépend. Ça ferait un bon économiste au service du capital. Moi, pour parler de moi... Pour parler de moi, qui suis... Moi, président. Non, moi, économiste. En fait, moi, je suis quelqu'un, pour ceux qui me connaissent Quelqu'un de très sympa, extrême gauche, alternatif, hein, tu pourrais. Voilà, je vais pas, on n'aurait pas deviné. Balancer un CV, mais en gras. Très horizontal, anti tout ce que tu veux. Par contre, les jeux de stratégie, pour gagner, faut être un putain de fasciste, quoi. Non, mais soyons clairs, c'est-à-dire que t'as intérêt. Les Sims, notamment. Les Sims, mais tous les jeux de stratégie, ce qu'il s'agit en gros de ne regarder que son profit personnel. On pourrait se dire, on va essayer de cumuler nos gains et voir un petit peu la somme de nos gains pour gagner. On pourrait le faire, ce serait une manière de hacker le jeu pour faire un jeu de coopération qui serait très intéressant. Mais le jeu dit, si j'ai 31 et que toi t'as 30, c'est moi qui ai gagné. Donc je vais tout faire, quitte, même perdre 5 pour que tu perdes 6, si ça me fait passer devant, je vais le faire. Parce qu'il y a des incidences graves dans la vie réelle. Mais dans un jeu, c'est pour ça que tu te comportes comme un immonde connard, désolé de l'expression, mais pour gagner. Mais c'est dans le cadre du jeu, et l'important c'est, il y a un moment où on commence, un moment où on termine, on prend du recul, l'activité est terminée, et après t'es un mec cool, quoi. Mais dans les jeux de stratégie. Oui. Mais est-ce que c'est pas parce que justement ces créateurs sont des occidentaux majoritairement nés dans un univers libéral? Bien sûr que si. En fait, il suffit de lire Laurent Trémel, c'est-à-dire que qui est sociologue, que les formes dominantes de jeu sont le reflet de l'idéologie dominante. Et on va retrouver du coup les mécanismes qui sont les mécanismes de notre société, donc du monde du travail. Ça va être principalement de l'opposition. Au lieu de la coopération, ça va être de l'accumulation, de la performance, de la compétition, ce qui encore une fois est agréable quand c'est cadré, mais le jeu, ça n'est pas que ça. C'est aussi la coopération, c'est le plaisir, c'est l'imagination, c'est plein de choses. Ça va même plus loin maintenant dans les marqueurs idéologiques, parce qu'il y a quelque chose qui est malgré tout assez récent dans l'histoire des jeux de plateau, c'est l'idée que maintenant la victoire, elle se fait par des points de victoire complètement abstraits et décrits quasiment par convention. C'est quelque chose aussi qui arrive en disant, bah voilà, c'est l'accumulation d'une ressource définie arbitrairement, le point qui va faire que tu vas être efficace. Je sais que c'est notamment, on joue des jeux comme Dominion qui sont des jeux de deck building, etc. Et c'est pas du tout la gestion des ressources que tu vas avoir qui va définir si t'as gagné ou pas. C'est est-ce que vas avoir bien géré tes ressources dans le but d'acquérir les points de victoire. Parce que c'est pas l'accumulation des ressources en soi qui est intéressante du coup dans Dominion. C'est l'accumulation des ressources pour pouvoir aller chercher après les points de victoire. Une monnaie virtuelle, quoi. Voilà. Bon, et bah merci beaucoup. On a encore bien élagué ou peut-être... Si je pouvais ajouter une dernière chose. Rajoute donc. Pour moi, l'éducation politique par le jeu est quelque chose de très intéressant. Je sais que moi, tous les documentaires que je regarde sur comme on parlait de l'économie, tout ce que je regarde sur l'économie, etc., je le comprendrais, je pense, moins bien si j'étais pas joueur. Et d'ailleurs, quand je dois reproduire ce savoir que j'acquire par des documentaires ou des livres que je lis sur l'économie et que je l'explique à des joueurs, c'est beaucoup plus facile que face à un non-joueur. Lui dire, bah, tu te souviens de la situation quand on jouait à Colons de Catane et où Yann a acheté tous les moutons, par exemple, pour pouvoir négocier après le prix du blé comme il le souhaitait. C'est ce qu'on appelle une situation de monopole. C'est quelque chose qui se passe vraiment dans la vraie vie. Ça, c'est plus facile, du coup, quand tu as des situations comme ça, des situations vécues dans l'espace du virtuel. C'est pour ça qu'une fois, j'avais posé, sans l'expliquer, ça a été une erreur, mais je ne l'ai pas expliqué dans un Merci d'Orient, une définition du jeu comme étant un espace virtuel de prise de décision. En disant que voilà, le jeu, ça sert uniquement à prendre des décisions sans conséquences, et c'est ça son intérêt du point de vue de l'évolution de l'humanité. Oui, puis avec des paramètres limités. Je vais avoir un espace virtuel un peu mais microscopique, du coup, qui va être très limité dans le temps, dans l'espace et dans le cadre réglementaire qu'on lui offre, où je vais pouvoir prendre des décisions qui n'auront pas de conséquences sur ma vie sur le long terme. Alors que quand on voit qu'il y a des gens qui font exactement le même type de réflexion à l'échelle macroscopique en plus, et sur des trucs qui ont des conséquences dans la vie réelle des gens, c'est là où effectivement quelque chose qui se fait, ben c'est pas normal. Et c'est vrai qu'étant joueur, tu regardes certains systèmes politiques ou certains systèmes économiques, tu les étudies comme un système de règles, comme si on t'avait filé un livret de règles, et tu fais « mais il est cassé votre jeu ». Ouais, c'est effroyable, effectivement, ces expériences, comment, d'un point de vue même esthétique, on voit l'aspect mécanique, en fait, de toutes les dynamiques fascisantes, dysfonctionnantes du système économique et autres. C'est une grille de lecture vraiment, vraiment intéressante, et ça, enfin, ça peut pousser au cynisme, on se dit « putain, c'est ça !» Mais c'est, effectivement, ça permet de bien comprendre, effectivement, différents mécanismes de l'économie, enfin, on met en fait vraiment des mécanismes au sens temporel, le déterminisme, la nécessité, on voit les situations de jeu, ce que ça produit chez les gens, même si c'est que dans l'espace du jeu, on fait l'analogie assez facilement avec la réalité. Et c'est pour peu qu'on ait quand même la grille pour le voir, parce qu'on pourrait très bien le faire sans s'en apercevoir, mais nous, ça fait, on parle quasiment plus, on passe plus de temps à parler de politique que de jeux vidéo quand on est dans la coloc. Donc on a quelques grilles de lecture pour voir ça. Et à chaque fois qu'on doit décrire les situations de jeu, enfin nos propres situations de jeu, nos propres actions ainsi que celles des adversaires, notamment les stratégies optimales, suffit de prendre tout le vocabulaire des dominants, en gros, que ce soit en économie, en idéologie, puis on peut facilement décrire en gros les situations de jeu. C'est le vocabulaire fasciste et de l'économie. Hein. Ça va être, là, il parlait de monopole, mais ça va être l'espace vital, ça va être tout ce que vous voulez. En fait, on le voit vraiment dans le jeu. Et pour le décrire, ce sont les meilleurs concepts. Dorian, je crois que tu voulais mettre un mot final sur ce qui était dit. Non, pas du tout. Peut-être bouger mon micro qui d'accord, a donné cette impression-là. J'ai continué à parler en le bougeant, ça fait dégueulasse. C'est pas grave, ça peut se modifier au montage ou pas. Eh bien, merci beaucoup pour cette petite heure et demie. Et tu as une dernière question, la oui. La dernière question traditionnelle, oui, on l'a pas c'est fait vrai. Sur le dernier parce que on vous retrouve juste là. Question traditionnelle qu'on fait à nos invités, à quoi vous jouez en ce moment? On répond en combien de temps? Ouais, moi déjà, je suis un peu un cas... C'est difficile de répondre à quoi je joue, parce que j'ai une pratique du jeu qui fait que sur le jeu vidéo notamment, je vais jouer grosso modo 2 heures par jour, mais par bout de 10 minutes de plein de jeux différents. Donc en ce moment, si je devais faire la liste, je joue à Burrito Bison Revenge, qui est un jeu de paf le chien à la con, Shadowrun Dragonfall, à Deus Ex Human Revolution, je joue en même temps à Deus Ex The Conspiracy sur PS2 et à Hotline Miami 2. Alors moi je joue à moins de jeux parce que je suis plutôt, je me focalise sur un jeu, mais en ce moment je joue à Darksiders, Bastion et également du coup Super Meat Boy, Steam World Dig et Tesla Grad parce que je commence à speedrunner en fait. Je commence à speedrunner en fait à mon échelle en fait pour montrer en fait que c'est très difficile. Du coup, j'ai pour objectif de faire des world records plus 50%, donc ça me fait un, ou plus 100% dans certains jeux qui sont trop durs. C'est en gros des espèces de speedrun un peu de sac, mais pour montrer, pour mettre l'accent sur la démarche. Donc c'est pour ça que je rejoue à des jeux auxquels j'ai déjà joué. Dans le cadre de tes vidéos, donc. C'est ça. C'est en fait moi, il se trouve que je ne joue quasiment à rien en dehors de mon travail entre guillemets. J'essaie. C'est pas que c'est le travail qui dicte les jeux auxquels je joue. C'est un peu ça, mais c'est que les jeux auxquels je joue, j'essaye d'une certaine manière de les recycler ou qui essayent entre guillemets une utilité du point de vue de mon travail parce que le temps n'est pas extensif. J'ai que 24 heures comme tout le monde et encore je dors 8 heures comme tout le monde. Donc je suis obligé de faire des compromis. C'est-à-dire les jeux auxquels je joue, je suis obligé d'en parler dans mes vidéos, de commenter des speedruns ou faire du streaming. Et après il y a tous les jeux de société ou bah non, Duel of Champions, c'est pour finir avec les jeux vidéo évidemment. Et après les jeux de société, ça va être de manière, ça va être de temps en temps Catan, Game of Thrones, Dixit. Hein. Récemment quand même, sur ces 2 dernières années, celui qui est venu le plus régulièrement, ça a été Game of Thrones sur les 2 dernières années. Et aussi le jeu là qu'on n'a pas terminé, faut que tu finisses ta campagne. Descent. Ouais, monsieur, mais... je lis les règles en diagonale. Je lis les règles en diagonale et en anglais. Voilà, beaucoup de jeux de société aussi. Parce que c'est vrai que nous, comme on est constamment devant l'écran, c'est vrai que le soir, on essaye tant que faire se peut d'être autour d'une table. Voilà. Mais si je devais faire des gros blocs depuis que je suis à la colocation, il y a eu un gros bloc Battlestar Galactica et un gros bloc Game of Thrones. Eh ben merci beaucoup pour ces précisions. Et puis pour le coup, effectivement, on a du jeu vidéo et du jeu de société. On va vous souhaiter une bonne journée, une bonne nuit. Ça dépend à quelle heure vous nous écoutez. En tout cas, on remercie nos deux invités, Yann Chevière et Dorian Chandelier, d'avoir bien voulu participer à ces deux podcasts. On se retrouvera dans 15 jours avec un thème radicalement différent. Il y aura si expérimental, pas... je crois, dedans. Oui, en fait, on invite Pierrec de Lou Jeux Vipo, qui s'intéresse donc aux jeux vidéo indépendant, mais en plus il est président d'une association de jeux de société, donc voilà, qu'est-ce que le jeu vidéo, qu'est-ce que le jeu plutôt expérimental ou le jeu d'avant-garde, plein de problématiques qu'on va explorer. Voilà, continuez à jouer tout seul, à plusieurs, jeux de rôle, jeux vidéo, jeux de société, comme vous voulez.